couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 25. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire, si vous le souhaitez, à notre adresse dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Alors, je précise qu'il semble depuis quelques jours qu'il y ait des difficultés techniques avec DNMX en général, via le service, puisque les emails semblent ne plus parvenir sur la plateforme en général, hein, pas uniquement pour nous. Et donc je suis à l'heure actuelle incapable de vous dire si il y aura une réparation qui sera faite promptement ou pas. Si c'est le cas, on le saura dans quelques jours. Sinon, de toute façon, on basculera vers une autre alternative. Je m'en excuse par avance auprès de nos auditeurs. On est tributaire de ces services, donc on ne peut pas vraiment prévoir quand il y a des petits problèmes techniques de cette nature. Et donc, on va voir comment ça se passe, mais sinon, on basculera sur une nouvelle adresse. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas vous inquiéter, surtout les donateurs, si vous n'avez pas reçu de réponse, c'est lié à ce problème-là. On n'a pas encore basculé sur une alternative, et on ne reçoit plus aussi d'emails. Donc si vous avez envoyé des emails, vous avez essayé de nous contacter, et vous n'avez pas eu d'écho, vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, on ne sait pas qui nous a envoyé des emails depuis on va dire, le milieu de la semaine. Là. Donc voilà, donc je m'en excuse, on vous tiendra de toute façon informé. Et voilà qui est dit. Donc, si jamais vous avez envoyé, on vous informera, hein, si on bascule sur un nouveau service, soit si le service fonctionne à nouveau. Auquel cas, si vous nous avez envoyé un email, on vous demandera de nous réenvoyer par acquis de conscience, ça sera le mieux. Nous sommes aussi maintenant nous avons un nouveau nom de domaine, hein, alors je vous le donne tout de suite, dempart.xyz. Je répète, dempart. dempart.xyz. La censure frappe toujours. Hein, voilà. Et le forum, bien évidemment, Europe Écologie des Brins, EELB.SU. EELB.SU. Vous pouvez y commenter à loisir l'actualité, retrouver le guide racial des villes, etc. Alors j'ai vu, oui, il y avait ça aussi. Il y avait un certain nombre de personnes qui nous demandaient, j'ai essayé de m'inscrire, mais ça ne passe pas. Et ils s'inscrivaient avec des adresses DNMX, justement. Et comme DNMX est un service du dark web, en fait, il était automatiquement considéré comme du spam. Donc, c'est peut-être pas le meilleur service pour s'enregistrer sur le forum, ou auquel cas, il faut le faire manuellement. Alors, comme il y avait pas mal de demandes, on voulait le faire d'un bloc. Désolé, ça n'a pas pu être fait. Mais bon, là, comme on est en délicatesse avec notre service email, on va juste vous demander un peu de patience. On va d'abord s'assurer que le service refonctionne, et ensuite, on verra pour les adhésions. Donc si vous avez peut-être des services email alternatifs en attendant, ce serait peut-être bien de les utiliser, évidemment pas des plateformes mainstream type Gmail, etc. Des choses un peu plus sûres que vous auriez de votre côté. Voilà, je vais procéder à la présentation des membres de la semaine sans transition aucune. Et je vais commencer avec Hydromel. Salut Hydromel. Ave la camarade et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine, eh bien, Sobieski. Ave les démocrates. Est aussi avec nous cette semaine, Jean, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Et enfin, Vincent, qui est aussi, encore une fois, cette semaine avec nous, après une semaine de pause estivale. Bonjour à toi, Vincent. Bonjour à toi, Gandalf, et bonjour à toutes et à tous. Alors, messieurs, cette semaine, on va faire un peu le tour de la situation, mais avant cela, on va remercier nos donateurs. Alors, je n'ai pas tous les courriers des donateurs à jour. S'il m'en manque, n'hésitez pas à vous signaler, mais encore une fois, quand l'adresse email fonctionnera. Donc j'ai celui-là. C'est Français Libertarien qui nous écrit. Bonsoir, chers démocrates participatifs. Je rejoins la famille des donneurs avec un premier don d'essai ce jour de 0035 Monero. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir confirmer la réception du don. Je me suis lancé dans la crypto grâce à vous et maîtrise désormais l'outil. Je vous en suis très reconnaissant. Alors, je confirme, le don est bien passé, sans aucun problème. Donc, pas de problème, Français Libertarien. Aucun souci. Alors, il nous dit ceci. Je ne partage pas les idées NS ou national-socialiste, hein, me considérant plutôt comme un national-libéral. Mais j'apprécie beaucoup vos émissions ainsi que vos intervenants et je suis un fidèle auditeur depuis près de 4 saisons. Je serai également ravi d'être cité à l'antenne pour ce maigre don, mais qui va en appeler d'autres prochainement. Recevez toutes mes salutations fidèles, bien amicalement. Donc, merci Français Libertarien. Encore une fois, si vous avez fait des dons, s'il vous plaît, signalez-vous auprès de nous. Mais patience. Il faut que nos emails nous parviennent. Je suis désolé, hein, je ne maîtrise pas tous les paramètres sur ce sujet. On a trop peu d'alternatives possibles. C'est compliqué. D'ailleurs, si vous avez des conseils là-dessus, même en partie technique sur le forum elb.su, je pense que beaucoup de gens seraient preneurs. Hein. Je ne dis pas que DNMX est définitivement hors service. Hein. Ça, là, je ne le dis pas à ce stade. Hein. Je pense que c'est un problème technique de leur côté, peut-être que ça sera résolu. Alors, on entame tout de suite cette émission. Une touche assez légère, puisqu'on va parler des JO de Paris, messieurs. Je ne sais pas si vous attendez ça avec gourmandise ou pas. Oh que oui. Ouais, d'accord, bon. Voici ce que nous dit le Huffington Post. Je vous lis ça tout de suite. Hein. Dans tout juste 2 ans aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. À cette occasion, le président Emmanuel Macron a donné une interview à l'équipe, donc au journal sportif L'Équipe, hein, publiée ce mardi 26 juillet, dans laquelle il annonce la mise en place d'une billetterie populaire, principalement destinée aux jeunes. L'État va acheter 400 000 billets qu'il distribuera aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans, aux bénévoles qui contribuent aux jeux et au sport en France, aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux fonctionnaires de l'État et des collectivités qui aident à ces jeux, particulièrement les catégories B et C, a détaillé le chef de l'État. Cette billetterie populaire aura pour but de faciliter l'accès au sport et de permettre à ceux qui auront contribué au rayonnement des jeux d'accéder à des compétitions là où ils n'auraient peut-être pas pu se les payer, a-t-il encore ajouté. Alors, on va faire un petit tour de table là. Moi, j'ai l'esprit mal tourné. Hein. Je prête à Emmanuel Macron des intentions cachées, mais avant que je dise lesquelles, je vais solliciter les participants. On va peut-être commencer avec... oui, Sobieski, tu avais l'air de te régaler. Alors d'abord, sur les Jeux Olympiques, on va peut-être commencer avec la billetterie populaire. En général, c'est mal parti. Quand c'est populaire, c'est mal parti. Quoi. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, peut-être? T'as tout dit. Quand on parle de jeunes, on sait à quoi ça fait référence. Hein, les jeunes, c'est toujours les mêmes jeunes, tu vois. Donc. Lesquels? Moi, j'aimerais savoir. Explique-moi. Des jeunes d'origine extra-européenne, j'irais même nord-africaine et Afrique noire. Subsaharienne. Noir. Et ouais, bien noir. Plus noir, plus son noir, mieux c'est pour Macron en plus. Donc, comme disait Philippe Éboué récemment, Macron, quand il voit des noirs, il s'émoustille. Il en peut plus. Oui, ça, donc, on l'a vu en déplacement en Afrique, là, c'était encore... Mais enfin, il a une relation étrange avec les Noirs, parce que... Oui, ouais, en Afrique, là, il était dans une espèce de rapport à la fois... Bon, il voulait les palper, quoi, d'un côté, hein, et de l'autre, il voulait quand même les gendarmer, c'est assez, assez étrange, mais oui, il a une attraction particulière. Bah, ça risque de peut-être déranger certaines personnes, mais moi je pense que on a clairement un côté sexuel là. Et pour les JO alors, toi tu vois ça comment sur Paris? Parce qu'ils disent là, la billetterie sera ouverte. Bon, elle sera, enfin, billetterie populaire, réservée aux jeunes. Bon, hein, tu as bien décrit ça, populaire. Mais il dit aussi, c'est pour les collectivités qui participent en fait à l'accueil des Jeux. Bah, du coup, on est sur l'Île-de-France. Enfin, grosso modo, c'est ça, quoi. On est sur l'Île-de-France à ce moment-là, parce que l'essentiel des Jeux sont à Paris. Donc, c'est là que ça se produit. Donc, les fonctionnaires qui vont pouvoir bénéficier de ces billets gratuits seront des fonctionnaires de l'Île-de-France. Donc là, bah, la bande Hidalgo, quoi. On va avoir pas mal de fonctionnaires des dom-tom. Moi, je vois ça comme ça. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Jean Bureau, qu'est-ce que tu vois ça comment? Oh, moi, je suis très émoustillé par cette histoire de JO. Bon, déjà, la nouvelle en elle-même avec ces histoires de billetterie populaire. Déjà, il faut qu'ils arrêtent avec ce mot de populaire. C'est très insupportable. Billetterie africaine, ouais. Et puis, alors, moi, quand on dépense l'argent de l'État sans compter comme ça, j'adore. Ça me fait toujours très plaisir. On est déjà en train de faire exploser la dette, on sort du Covid, la France a une inflation délirante, enfin qui augmente, pas encore aussi délirante qu'ailleurs, mais ça va venir. Et puis bah là on nous annonce que, sachant qu'une grande partie du business model, comme on dit aujourd'hui, des JO, c'est de se rembourser avec les billets, avec la consommation des touristes étrangers. Donc bon, si on commence à monopoliser des places pour les distribuer à des jeunes négros de cité, ça va être un petit peu embêtant au niveau du financement. Puis alors bon, on a encore des dépenses folles à faire en termes d'infrastructures. Bon, j'ai pas suivi exactement toutes ces histoires, mais j'imagine, comme dans tous les pays qui organisent les JO, ça coûte une fortune. Et ça va, ils rajoutent encore. Et vas-y qu'on distribue l'argent du contribuable. Qu'il n'a plus d'ailleurs. Enfin, hein, n'a oui, plus. Oui, c'est la dette que les Français sont censés rembourser dans un avenir non déterminé. Mais bon. J'imagine que personne ne remboursera jamais toutes ces histoires. Il me tarde de voir l'accueil que nos jeunes maghrébins vont faire aux étrangers. Oui, oui, parce qu'en fait, bon, il faut un petit peu interpréter cette histoire de billetterie populaire. Alors bon, en fait, c'est une billetterie ethnique, hein, pour ceux qui ne le comprendraient pas. C'est comme les quartiers populaires. Il n'y a pas de quartier populaire, c'est des quartiers ethniques. C'est très révélateur, d'ailleurs, comme terme, puisqu'ils essayent d'expliquer l'utilisation des termes permet de créer un biais narratif pour tromper le public et l'opinion publique. Si vous dites quartier populaire, vous pensez que ce qui le détermine, c'est le niveau des revenus. C'est la condition sociale des gens qui y vivent. Or, si c'est la zone dans les quartiers concernés, à coup d'émeutes, de dégradations, d'incendies divers, notamment d'infrastructures qui coûtent horriblement cher, qui sont brûlées, reconstruites. Hein. Je ne parle pas de la rénovation urbaine, la politique de la ville. Bon, ça a coûté 100 milliards d'euros sur 30 ans. Bon, voilà, bon. Assez peu de gens en parlent. Il s'agit de cacher la véritable cause du problème, qui est une cause déterminée par l'ascendance raciale, évidemment. Hein. Ascendance raciale, QI, violence inhérente à ce type de population, incapacité à s'insérer, etc. Bon. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, si vous dites ça marche pas dans ces zones-là parce que les revenus sont faibles, c'est différent comme interprétation de la réalité que de dire non, c'est parce que ce sont des populations étrangères inassimilables. C'est une cause ethnique, évidemment. Donc, il faut quand même y revenir. Et pourquoi choisir le caractère populaire? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans une république communiste, messieurs. Et dans une république communiste, le paradigme, hein, c'est la lutte des classes. Hein, voilà, donc forcément, on va tout expliquer par le revenu, la pauvreté, voilà, Victor Hugo, Émile Zola, vous connaissez tout ça, et certainement pas par les véritables causes. Donc voilà, donc ça c'est déjà une chose, il faut quand même le préciser, parce que ça peut, on a tendance à passer dessus peut-être un peu trop vite, et je pense que ce serait pas forcément une bonne idée. Je crois qu'il faut y revenir assez souvent, il faut souvent déconstruire justement cette république communiste. Alors ça c'est une chose. Non mais, vas-y, ouais. Sur le papier... sur le papier populaire parce qu'ils n'ont pas d'argent sur le papier ils sont pauvres mais en fait ils vivent tous du trafic de drogue de tout un tas de biais ils ont des kebabs qui blanchissent de l'argent et ainsi de suite donc en fait ils sont beaucoup plus riches que dans nombre de départements mais seulement si on prend je sais pas moi un département pauvre comme la Creuse les blancs qui y habitent et ben ils sont assez stupides pour déclarer tous leurs revenus pour tout mettre sur leur feuille d'impôt donc effectivement techniquement les gens qui habitent dans la Creuse ils sont plus riches que les maghrébins qui déclarent rien ou les noirs qui déclarent rien en Seine-Saint-Denis donc ils font en fait c'est une histoire de chat perché quoi ils disent ah bah ils sont pauvres il faut qu'on les aide parce qu'ils déclarent il n'éclaire rien comme revenu. Bah oui, mais bon. Y a quand même l'énorme redistribution dont ils bénéficient, notamment en Seine-Saint-Denis, et de toute façon, dans toute la. Enfin, comme tous ces quartiers ethniques vivent en périphérie des grandes villes, donc la dizaine de métropoles qui existent en France, de Boboland, hein, donc les comptoirs de Boboland, là, comme ils vivent en périphérie, il y a énormément de redistribution, et beaucoup plus de redistribution que dans les dizaines et les dizaines de départements ruraux qui existent en France, hein, je veux dire, donc ces gens-là, ils sont pas à plaindre, hein, vous avez regardé, je dis, la politique de la ville, vous regardez les infrastructures qu'ils ont, ces infrastructures flambant neuves, le nec plus ultra, hein, notamment au niveau sportif, ils ont des choses que les Français ne le savent pas, parce qu'ils ils ne vont jamais dans ces zones-là, donc ils ne savent pas que ça existe, ils ne savent pas les programmes sociaux de redistribution qui existent pour ces populations, ils l'ignorent, ils ne savent pas du tout, ils n'ont jamais vu de leurs yeux vus ce qu'on offre à ces populations. Ils ne le savent pas. Les voyages qu'on leur paye, enfin tout quoi. Hein, Infrastructures d'ailleurs qui bazardent à longueur de journée et après ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'on s'occupe pas d'eux, etc. D'ailleurs. Absolument. Et bah oui, parce que c'est le. Rappelez-vous, ils avaient brûlé on avait parlé un. Je savais même pas que ça existait moi-même, vous voyez. C'était. J'avais oublié le département, mais c'était en Ile-de-France. C'était un cirque, mais pas un cirque itinérant, c'était un cirque fixe, hein, donc en dur, mais très bien fait. Alors pourquoi mettre un cirque là-dedans, je vous laisse y penser. Enfin, ils avaient installé ça pour divertir la faune ambiante, hein, bon, zoo, cirque, singe, je sais pas, peut-être quelque chose. Enfin, c'était censé les divertir, ça coûtait une fortune. Bon, ils y ont mis le feu. Et alors, la réaction des autorités, ça veut dire, bah, c'est pas grave, on va faire quelque chose d'encore plus cher. Vous voyez, la République ne va pas reculer. Vous voyez, on est chez les fous. Bon, et voilà. Donc, si vous voulez, cette histoire de billetterie populaire, donc billetterie ethnique, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein, voilà, voilà. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'on est dans la suite de la Ligue des Champions. Donc, la catastrophe qui s'est passée il y a quelques semaines, devant le monde entier, parce que les images ont fait le tour du monde entier. La France, comme pays, a été humiliée devant le reste du monde, et notamment les supporters, qui sont un public très particulier, hein, de gens qui viennent suivre leurs équipes, etc. Et forcément, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, c'est quand même un peu dangereux là-bas, parce que, bon, la France, bon, ils ont beau cacher la misère, mais enfin, malgré tout, le mot commence à circuler, que la France a beaucoup changé, hein. Je dis ça, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça change beaucoup, surtout à Paris, que l'hygiène en plus n'y est pas, etc. Donc quand ces images sont arrivées, ça a été une confirmation pour certains, ça a été un réveil pour d'autres, à l'étranger j'entends, mais bon, ils se sont dit il y a quelque chose qui se passe. Donc forcément quand vous organisez les Jeux Olympiques 2 ans plus tard, Macron sait qu'il va être, surveillé. Donc il a décidé de venir avec cette idée qui consiste à dire quoi ? Ben, pour éviter la resquille, ben, on va les faire rentrer gratuitement dans le stade. C'est tout simple, voilà, on va faire ça comme ça. Et évidemment, ce qui va se passer avec ces 400 000 billets distribués à droite à gauche, c'est qu'on va créer un formidable système de marché noir, parce que les billets vont tous être vendus au black. C'est le cas de le dire, c'est ce qui va se passer. Tous ces billets qui vont être distribués à ces fonctionnaires de la fonction publique française en Ile-de-France vont se retrouver sur le marché noir, vendus au prix fort à des Américains et à des touristes européens ou autres. Et voilà. Donc voilà ce qui va se passer avec la formidable billetterie ethnique de Macron. Voilà. Mais et Macron le sait, mais simplement on lui a conseillé ça pour calmer les bandes d'afro-maghrébins qui sèment la terreur en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc le deal, c'est voilà, on leur donne 400 000 billets, ils vont les revendre aux blacks. Donc ça va être leur intérêt que ça se passe bien, parce que s'ils vendent des billets aux blacks à des touristes étrangers, bah, il faut ensuite qu'ils puissent assister tranquillement à leur spectacle sportif. Donc la police ethnique va se faire d'elle-même. C'est ça le calcul des autorités, c'est ça le calcul de la préfecture de police de Paris. C'est ça qui se Mais passe. Mais est-ce que ça suffira? Ah, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le calcul de ces gens. C'est évident. Donc, vous voyez, derrière la générosité, en réalité, c'est une nouvelle fois cette République qui recule face à la pression migratoire qu'elle organise elle-même. Et bon, bah, les bandits issus de ces milieux-là, de ces populations-là, bon, bah, vont tirer les marrons du feu, quoi. Voilà. Et Macron arrive accorde une interview à l'équipe et explique sa formidable politique. Alors évidemment, quand t'es un bulot qui dit ça, t'as rien compris. Tu crois que c'est la solidarité, tu vois, tous les grands mots qu'ils adorent en France marxiste. Là. Non, c'est pas ça, c'est ce que j'ai décrit. Mais quand tu lis l'interview, tu ne comprends rien. Il faut décrypter, parce que sinon tu ne comprends pas. Malheureusement, personne ne fait le décryptage, ou si peu, quoi. Voilà. Bon, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas ce que ça représente en termes d'argent, 400 000 billets. Bon, on s'en fout, de toute façon, hein, l'argent emprunté ne sera pas remboursé. Donc. Il y a peut-être également un autre avantage à procéder de la sorte. Il y a l'aspect ethnique, mais il y a peut-être aussi que d'ici 2 ans, bon, il y a de l'eau qui aura coulé sous les ponts, mais il y a peut-être aussi qu'ils seront revenus à la charge en termes de restrictions sanitaires. Qui fait que les stades vont pas forcément être très remplis si ça nécessite d'être à jour sur les vaccins. Donc, bon, mis à part peut-être les fonctionnaires et les jeunes de moins de 16 ans, ils ne seront pas soumis. Que les stades sont bien remplis et que c'est une grande fête et que tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a aussi peut-être cet avantage de la gratuité des billets aux jeunes. C'est possible, effectivement. Vincent, là-dessus, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou pas? Alors déjà, vous avez pratiquement tout dit en ce qui concerne le fait que ça va être une billetterie ethnique, c'est évident, et que ça va, je pense, en effet, générer un marché noir du tonnerre. Hein, les billets sont entre 25 et 900 euros. Alors, voilà. Alors, quant à l'argent dépensé, bah, quand on a 3000 milliards de dettes, on peut se rajouter 1 million de dettes. Hein, l'argent ne veut plus rien dire. Moi, ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que finalement, cette billetterie populaire qui donne une impression de générosité, eh bien, ce n'est que le haut de l'iceberg, en fait. On a reproché aux nationaux-socialistes, en 1936, d'avoir fait de la propagande autour des Jeux Olympiques organisés en Allemagne. Mais je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de parcourir le site des Jeux Olympiques Paris 2024. Moi, j'ai vu c'est extraordinaire. J'ai vu le clip officiel, j'aurais peut-être un truc à dire là-dessus, mais ce serait intéressant effectivement d'avoir ton retour sur ce site officiel des Jeux Olympiques. Ah ben, c'est extraordinaire. Déjà, on nous dit que ça va être, je cite, hein, je ne dis rien de moi-même, on nous dit que ça va être des Jeux révolutionnaires et ouverts à tous. Paris 2024, c'est faire plus pour partager les émotions des Jeux au plus grand nombre. Des Jeux plus responsables, inclusifs, paritaires et plus spectaculaires que jamais. Donc déjà, on est averti, ça va être des Jeux responsables, inclusifs, paritaires. Et en effet, alors, il y a la petite touche d'écologie officielle naturellement, hein. Ils vont relever le défi, alors ils nous disent, on va relever le défi de la transformation écologique, car ça mérite une préparation à haut niveau. Paris 2024 s'est engagé à réduire l'impact des Jeux de 2024 sur l'environnement. Avec une empreinte carbone divisée par 2 par rapport aux précédentes éditions des Jeux. Et bien, ils vont même faire mieux, parce que l'objectif est de faire 1,5 million de tonnes de rejets de CO2 au lieu des 3 millions habituels. Alors, ils nous disent, il s'agit d'émissions résiduelles qui ne pourront pas être évitées, mais qui seront compensés, et même au-delà, par une contribution positive au climat. Et donc, ils nous disent que non seulement on va émettre seulement 1,5 million de tonnes de CO2, mais en fait, on va faire en sorte qu'elles soient réabsorbées. Et donc, ça va être positif pour le climat. Donc déjà, on commence par une petite dose de petites touches réchauffement climatique, responsabilité. Alors ensuite, on nous parle de jeu inclusif. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'en fait, avant, les jeux, c'était pour l'élite. Le sportif représentait l'élite, celui qui s'était donné, qui s'était entraîné, mais là, pas du tout. Là, on nous dit, avec le marathon pour tous, les spectateurs deviennent acteurs des jeux et se dépassent. Voilà, donc ils vont organiser un marathon pour tous. Donc, on a démocratisé les jeux. C'est fini, les jeux pour... voilà, encore une fois, l'athlète, c'était l'élite. Non, c'est le jeu démocratique. Alors, ils vont faire aussi l'entrée du breaking. Hein, alors, ils nous disent bien, hein, le breaking est un style de danse qui s'est développé aux États-Unis pendant les années 70, né dans l'effervescence des fêtes des quartiers du Bronx. Donc voilà, ces danses nées du Bronx rentrent en 2024 aux Jeux Olympiques et la France en est très fière. Bon, il y a eu une première étape en 2018, hein, c'était aux Olympiques de la jeunesse seulement. Mais voilà, donc on aura des épreuves olympiques du breaking. Voilà, ça devient encore complètement n'importe quoi. Et alors, attention, la parité homme-femme. En 2024, les femmes seront 5250, comparé en 1920 où elles étaient 22, donc. En 2024, les femmes seront 5250, ce qui représentera, 50% des athlètes. Paris 2024 accueille cette parité avec fierté. Voilà. Donc, nous avons pour la première fois à Paris les premiers jeux complètement à parité entre hommes et femmes. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, on nous parle souvent de la parité, mais c'est comme dans la justice, hein, les femmes envahissent tout. Alors, dans l'affiche, c'est l'affiche des Jeux Olympiques, hein, c'est l'affiche pour promouvoir ton expérience dans la peau d'un athlète du stade. Parce que, naturellement, c'est très, très démocratique. Tout le monde pourrait être athlète. Eh bien, sur cette affiche, il devrait y avoir une parité homme-femme. Ah ben non, là, pas du tout. On voit deux femmes et un homme seulement. Et alors, elle est très intéressante, cette affiche, elle résume tout, que l'homme, c'est le joueur de tennis, mais la femme, c'est une para-athlète, déjà, qui joue au tennis aussi. Donc déjà, c'est la promotion du para-athlétisme. Les deux qui jouent au tennis, il y a un homme qui est normal, enfin, surtout pas, qui est pas para-athlète, et une femme para-athlète. Et la deuxième femme, c'est une noire, et c'est une boxeuse. Donc, celle qui représente le muscle, la force corporelle, c'est pas un homme maintenant, c'est une femme, et une femme noire. Donc, on a tout dans cette affiche. C'est une extraordinaire chose, et j'en termine là, donc on arrive avec les Jeux Paralympiques. Donc, là, on les met au pinacle, on dit, ils sont la preuve que le sport et la performance sont ouverts à tous, et que la différence est une richesse. Alors moi, expliquez-moi en quoi un handicap est une richesse. Hein. Je dirais, mais non. Et ils en remettent une couche un peu après. Les Jeux Paralympiques contribueront à changer de regard sur le handicap en mettant en avant les performances sportives des meilleurs para-athlètes du monde pour donner l'envie à tous de pratiquer. Alors je ne sais pas s'il faut se couper une jambe pour après pratiquer comme un para-athlète, on ne sait pas trop. Mais voilà, alors là vous voyez, dès qu'on parle des Paralympiques, on remet en jeu l'élite. C'est l'élite des sportifs paralympiques. Donc le discours est toujours inversé. Et c'est toujours la promotion de toutes leurs valeurs, entre guillemets. Donc on va avoir, pendant 2 ans, une propagande qui va être terrible, et naturellement la cerise sur le gâteau, la billetterie ethnique, qui va être faite pour voilà tous ces gens de la différence, etc., qui pourront rentrer dans les stades. Donc on a affaire à une opération de propagande. Ah, il faut aller voir le site des Jeux, hein. C'est un régal, entre guillemets, hein. Voilà ce que j'avais à dire sur toute cette affaire, qui sera encore une fois un gigantesque opération de propagande multiraciste, multiraciale, etc. Y a un autre point, j'ai vu le clip officiel, et dans ce clip officiel, on retrouve des éléments assez semblables à ce que tu as décrit, Vincent, notamment le premier drapeau qui apparaît dans le clip officiel des Jeux Olympiques de 2024 de Paris, c'est le drapeau LGBT, arc-en-ciel, qui est suivi du drapeau français. C'est-à-dire que le drapeau LGBT passe avant le drapeau national de la France. évidemment, c'est un choix dont on comprend l'intention qui se trouve derrière, mais c'est très révélateur. Et signe-toi heureux, il y a encore le drapeau français. Oui, non, tu as raison, c'est vrai. Je pense que c'est pour les étrangers, hein, c'est pour leur expliquer que ça se passe quand même en France. Mais c'est assez révélateur. Hein, voilà, donc c'est vrai que quand tu disais on avait accusé le Troisième Reich de se servir des Jeux Olympiques de Berlin comme d'une vitrine pour la propagande, visiblement, la France républicaine, multiculturelle, multiraciale, LGBT, etc., féministe, bien sûr, va s'en donner à cœur joie. Hein, pas de problème. Hein, donc, je préférais quand même les Jeux Olympiques de Berlin. D'ailleurs, se référer à l'excellent film de Leni Riefenstahl hein, sur le sujet, hein. Je pense que l'esprit qui soufflait à ce moment-là était radicalement différent et cet esprit nous manque. Hein. Donc un esprit antidémocratique, contrairement à ce que l'on connaît aujourd'hui, donc un esprit élitiste, aristocratique, et c'est ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant. Alors le droitard de la semaine, messieurs, c'est Viktor Orban. Pour ces déclarations choc et les réactions qu'elles ont entraînées. Alors, commençons par les déclarations en elles-mêmes, citées par le Daily News Hungary. Et je vous les donne tout de suite, comme ça. Alors, nous, les Hongrois, ne sommes pas métissés, et nous ne voulons pas devenir métissés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, lors de son discours en Roumanie centrale. Donc, c'était samedi, il y a plus d'une semaine. Auparavant, il avait critiqué les pays et les hommes politiques d'Europe de l'Ouest pour avoir encouragé l'immigration et mélangé leur population avec d'autres peuples. Il a déclaré que les villes d'Europe occidentale étaient perdues au profit des populations non européennes. Voilà. Alors, M. Orban a fait valoir que l'Occident s'est déplacé vers l'Europe centrale, suggérant que cette région serait l'avenir de l'Europe. Il a déclaré que ce serait la tâche de nos enfants d'accueillir les chrétiens d'Europe occidentale. S'adressant à l'université donc de Balvanios, à Bailey-Tuznad, en Roumanie, samedi, M. Orban a déclaré que l'Occident et les troupes du financier George Soros se battaient contre l'Europe centrale pour leur imposer des migrants. Les migrations ont divisé l'Europe, a-t-il ajouté. L'Occident est coupé en deux, avec une moitié composée de pays où cohabitent des peuples européens et non européens. Ces pays ne sont plus des nations, a-t-il dit. Dans un sens spirituel, l'Occident s'est déplacé vers l'Europe centrale. Les deux moitiés de l'Europe sont engagées dans une bataille. L'Occident a rejeté le désir de l'Europe centrale de permettre à chaque nation de vivre comme elle l'entend. Et il continue à se battre contre l'Europe centrale pour nous changer afin que nous soyons comme eux. Il a par ailleurs indiqué que d'ici une trentaine d'années, les populations européennes d'Europe de l'Ouest seraient minoritaires aussi. Hein, il l'a souligné. Alors, ces déclarations ont suscité un certain nombre de réactions hostiles en Europe de l'Ouest ainsi qu'aux États-Unis. Et je vais maintenant les citer. Alors, c'est un article du journal Le Monde, donc le journal de référence des élites françaises, qui donne le ton. Et ce journal, vous le savez, appartient à deux oligarques juifs, le banquier Pigas et l'autre oligarque qui est Nil. Donc, malgré le tollé essuyé depuis samedi, Viktor Orban maintient ses propos et tente de le justifier. Le Premier ministre hongrois a en effet défendu jeudi 28 juillet depuis l'Autriche un point de vue culturel après son virulent discours du week-end dernier lors duquel il a fustigé le mélange des races, c'est-à-dire ce qu'on a entendu lors de ses premières déclarations, à savoir d'organiser la coexistence des populations européennes et non européennes comme c'est le cas en Europe de l'Ouest. C'est ça qu'il entend. Il arrive parfois que je parle d'une manière qui peut être mal comprise, mais j'ai demandé au chancelier autrichien de bien vouloir placer ces informations dans un contexte culturel, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Vienne, tenue avec son homologue autrichien, le chancelier conservateur Karl Neuhammer. En Hongrie, ces expressions et phrases représentent un point de vue culturel, civilisationnel, a ajouté M. Orban. Le dirigeant nationaliste hongrois de 59 ans, habitué des coups d'éclat et farouchement anti-migrants, avait rejeté samedi la vision d'une société multiethnique. Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens, avait-il déclaré, avant de faire une apparente allusion aux chambres à gaz du régime nazi. Alors brièvement sur ce dernier point, Viktor Orban n'a pas cité les chambres à gaz du régime nazi, comme c'est décrit là dans le journal Le Monde, par rapport à cette question, et là c'est de la désinformation pure de la part du journal Le Monde, d'accord, donc de ce journal juif, Viktor Orban tenait une conférence de presse qui abordait différents sujets. Et vous savez qu'on est en pleine crise énergétique depuis que nous sommes entrés dans une confrontation ouverte avec la Russie et que les Russes réduisent l'accès au gaz ou que l'Union européenne réduit d'elle-même l'accès au gaz ou au pétrole russe. Donc, dans ce contexte, Orban a développé une politique d'indépendance pour s'assurer que la Hongrie reçoive le gaz qu'elle a acheté auprès des Russes, en refusant de suivre toute une série de sanctions que Bruxelles veut imposer à la Russie. Donc, en fait, Viktor Orban a une politique autonome dans ce domaine-là, et face à la crise qui s'intensifie, et notamment face aux demandes de l'Allemagne de vouloir réduire de 15% de manière solidaire au niveau de l'Union européenne la consommation d'énergie, puisque l'Allemagne fait face à une grave crise énergétique en raison de son extrême dépendance au gaz russe, eh bien Orban, en substance, a répondu aux Allemands. Et il leur a dit, bah, si vous avez voulu une confrontation avec les Russes, eh bien, vous en payez le prix. Mais vous ne venez pas ensuite demander aux autres de régler vos problèmes à votre place, n'est-ce pas ? Donc c'est ça qu'il voulait dire. Et il a mentionné les chambres à gaz sur un ton humoristique, de manière indirecte, en disant que par rapport à cette pénurie de gaz et par rapport à cette crise énergétique générée par l'absence de gaz, eh bien, les Allemands, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avaient un certain savoir-faire en la matière. C'est tout ce qu'il a dit. Donc c'était une pique adressée aux autorités allemandes, dans ce contexte bien précis, et qui n'a rien à voir avec le discours qu'il a tenu sur la question du multiculturalisme en Europe de l'Ouest. Aucun rapport. D'accord ? Aucun lien. Alors, on peut trouver ça plus ou moins habile, plus ou moins justifié, ou pas, peu importe, mais ça a été formulé sur une autre question. Or, le journal Le Monde ne le précise pas, et évidemment ne le précise pas à dessein. C'est pour, évidemment, présenter Orban comme en fait quelqu'un qui est au bord du national-socialisme, en fait. Hein, c'est ça, hein, c'est ça qu'on essaye de créer comme portrait. Alors, Le Monde poursuit. Les survivants de la Shoah et la communauté juive hongroise ont condamné dès samedi avec force les relents racistes du discours du Premier ministre, appelant l'Union européenne et Karl Nehammer en particulier à prendre leur distance avec le leader d'extrême droite. Alors là, j'apprends avec le journal Le Monde que maintenant Orban, il est d'extrême droite. Je ne le savais pas. La diplomatie américaine a à son tour jugé jeudi qu'une rhétorique de cette nature est inexcusable. Plus de 75 ans après l'Holocauste. Quel rapport ? Quel rapport avec l'Holocauste ? Je ne sais pas. On voit les Juifs sortir du bois, on voit les autorités américaines sortir du bois en hurlant à l'antisémitisme, en disant « attention, l'Holocauste ». Alors qu'Orban a dit « non mais nous, on veut simplement vivre entre Hongrois et Hongrie. On ne veut pas suivre la pente de l'Europe de l'Ouest ». Et tout d'un coup, les Juifs sortent de partout en hurlant à l'antisémitisme. C'est étonnant, hein, on va en parler quand même. Alors, parmi donc les représentantes hein, qui se sont signalées, on en a une en particulier, c'est une certaine Deborah Lipstadt, qui est une officielle du gouvernement américain, alors qu'elle est, citoyenne britannique, mais elle est surtout très juive. Elle est surtout très juive, et elle a déclaré ceci, profondément alarmée, donc elle est en charge de la lutte contre l'antisémitisme pour le gouvernement américain. Sachez que, alors, il y a un poste officiel au niveau du gouvernement américain pour ça. Uniquement pour lutter contre l'antisémitisme. Pour le reste, non, mais pour ça, oui. Elle dit ceci, profondément alarmé par l'utilisation par le Premier ministre hongrois d'une rhétorique qui évoque clairement l'idéologie raciale nazie. Près de 75 ans après la fin de l'Holocauste, il est inexcusable pour un dirigeant de prendre à la légère les massacres nazis, surtout s'il prétend à une tolérance zéro vis-à-vis de l'antisémitisme. Bon. Fait notable, poursuit le journal Le Monde, Zusa Egedus, une sociologue conseillant de longue date Viktor Orban et dont les parents ont survécu à la Shoah, a remis mardi sa démission. Elle a dénoncé une position honteuse et un pur texte nazi digne de Joseph Goebbels, en référence à l'ancien chef de la propagande de l'Allemagne nazie. Alors je vous passe le visage de la juive précitée qui fait vraiment véritablement peur, hein, comme Deborah Lipstadt d'ailleurs. Alors, Orban n'est pas resté l'arme au pied. Dans une lettre ouverte, M. Orban s'est ensuite défendu en brandissant la politique de tolérance zéro de son gouvernement quand il s'agit d'antisémitisme et de racisme. Depuis, la Commission européenne s'est refusée à commenter sans citer M. Orban. Seul le vice-président de l'institution Frans Timmermans a réagi mercredi sur Twitter, fustigeant le racisme, une invention politique toxique qui ne devrait pas avoir sa place en Europe. Donc d'après le vice-président de la Commission européenne. Bon, je vous passe les détails pour le reste. Alors, présentation a été faite à la fois des propos et des réactions. Qui voudrait peut-être, il y a beaucoup de choses à dire, réagir à tant aux propos de Viktor Orban ? Sont-ils justifiés ? Est-ce que vous reconnaissez dans ces propos ? Que des réactions que ces propos ont suscitées ? Et de l'identité des personnes qui ont réagi. Qui voudrait commencer là-dessus ? Peut-être d'abord sur les propos de Viktor Orban en eux-mêmes. Alors, bon, c'est sûr qu'il va effectivement dans le bon sens. Je pense que dans l'émission, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes de dire que tout ce qui contribue à éveiller la conscience raciale des Blancs et un quelconque dirigeant politique qui prendrait fait et cause pour sa race, qui parlerait dans ces termes, que ce soit ethnie ou race, c'est toujours très bon. Après, à titre personnel, j'ai un peu de réserve vis-à-vis d'Orban. Je trouve que... L'attachement qu'un certain nombre de gens à droite dans nos milieux ont. Alors certes, il a des avantages qui sont indéniables. En revanche, j'aime pas trop le jeu qu'il joue avec l'Union européenne. Il mène en permanence une sorte de numéro d'équilibriste entre essayer de défendre sa nation et tirer un maximum de l'Union européenne. Donc il va forcément devoir faire des concessions à l'Europe. Enfin, l'Union européenne, et je trouve que ça va forcément être contradictoire avec une véritable politique de souveraineté, une véritable politique qui a intérêt à son peuple. Et puis, à titre personnel, j'ai pu visiter un peu la Hongrie. Bon, c'est vrai que je suis resté à Budapest, qui est une ville très internationalisée et mondialisée, donc... Je sais pas comment c'est exactement dans les campagnes, probablement que c'est plus conservateur, mais j'ai trouvé que la jeunesse hongroise était très gauchiste, très relâchée, et puis de toute façon ça se voit dans les taux de natalité. Donc, mais bon, encore une fois, je lui enlève pas toutes ses qualités et tout ce qu'il mérite. Déjà, ce que je trouve très intéressant, c'est que il donne un horizon de temps. Un horizon spatio-temporel, on va dire. C'est-à-dire que là, on commence à toucher du doigt le véritable problème. Donc il dit par exemple que d'ici une trentaine d'années... Alors lui utilise le mot chrétien, parce que ça permet en fait de manière implicite de tenir un discours racial. Bon, quand il dit non-européen, européen c'est déjà le cas, mais quand il dit oui, les chrétiens seront en minorité en Europe de l'Ouest, ils vont devoir s'établir en Europe de l'Est et ce sera notre devoir de les accueillir, etc. D'ailleurs, c'est un discours quand même assez incroyable à entendre. Hein. Mais il place déjà une date butoir. Il dit en substance, voilà, 2050, 2060, les autochtones d'Europe de l'Ouest seront en minorité sur leur terre si le processus continue à ce rythme. C'est ce qu'il dit, c'est le constat qu'il fait. Et de ce constat, il dit, enfin, il retire qu'il ne souhaite pas que la Hongrie suive cette pente, contrairement aux pressions qui sont faites par l'Union européenne pour adopter une politique d'immigration de repeuplement, et il le revendique. Et il dit, voilà, on est dans une confrontation, donc il va quand même assez loin dans ses propos, on est dans une confrontation entre l'Europe centrale, il aime bien utiliser le terme d'Europe centrale, et l'Europe de l'Ouest ou l'Occident, donc l'Ouest d'une manière générale, entre des gens qui veulent défendre leur identité, leur substance, bref, leur peuple tel qu'il est constitué, donc ça c'est l'Europe centrale, et ceux qui veulent créer une société, en fait, de bâtards déracinés, en substance, hein, c'est ça qu'il veut dire. Et, eh bien, il pointe même du doigt à Soros à un moment, il le fait régulièrement, bon, c'est quand même assez courageux. C'est correct à la fois par rapport à la date butoir, je veux dire par rapport aux échéances qui sont face aux populations blanches en Europe de l'Ouest. Donc c'est bien qu'un dirigeant le dise. Ça c'est une chose. Et il dit, nous on ne veut pas suivre cette pente, donc on ne veut pas vivre, on ne veut pas créer une société où on serait obligé de coexister sur notre terre avec des populations non européennes. Parce qu'on ne veut pas expérimenter ce qu'expérimente l'Europe de l'Ouest. Et ça suscite les réactions absolument scandalisées, outragées, des élites occidentales. Mais je suis désolé, il suffit de regarder le bilan des élites occidentales aujourd'hui pour être confondu devant leur audace. Parce que s'il y a bien des gens qui devraient se taire, c'est eux. C'est ça qui est sidérant. Vous regardez l'état de la France aujourd'hui, vous regardez l'état de la Belgique, pour ne citer que ces pays-là, en termes de sécurité, à tout point de vue, s'il y a vraiment des pays qui devraient se taire, c'est des pays comme ça. Or, vous voyez ces élites occidentales qui sont plus arrogantes que jamais, alors que Orban, dans son pays, il y a quand même une sécurité qui est évidente, il y a un climat qui est, à mon avis, beaucoup plus respirable que ce qui existe en France, et quand j'entends Timmermans dire que le racisme est toxique, excusez-moi, c'est l'inverse. D'abord, il faut parler, il faut utiliser les termes. Quand on parle de racisme, c'est le racisme des Blancs. Hein, c'est ça qui est visé. Par racisme des Blancs, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce que visent ces gens-là? C'est l'instinct de survie collectif des Blancs. C'est ça que ça veut dire. Donc quand on dénonce le racisme, dans les médias juifs, on attaque l'instinct de survie des peuples Blancs. C'est ça qu'on attaque. Et ce que dit Timmermans, il dit « Votre instinct de survie est toxique. » Notre modèle... Ça, ce n'est pas toxique. Et ensuite, vous regardez la France. Quand vous baladez dans une grande ville française, vous n'avez pas l'impression que l'atmosphère est toxique? Moi, j'ai l'impression qu'elle est très toxique. Elle n'est pas que toxique, d'ailleurs. Elle peut être mortelle aussi. Hein. Il suffit de regarder les faits divers chaque jour. Donc, avec toutes les agressions commises par les Algériens, les Noirs, etc. Je ne parle même pas du radicalisme musulman, etc. Donc, c'est l'antiracisme qui est toxique. C'est-à-dire l'attaque systématique contre l'instinct de survie des Blancs. C'est la Commission européenne qui est toxique. Pas le gouvernement de Viktor Orban. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans ses propos? Est-ce qu'il dit « Nous voulons nous en prendre aux étrangers ?» Ben non, il dit « On n'en a pas chez nous. On n'en veut pas. On veut continuer à vivre comme on a toujours vécu ici. » Où est l'agression? Il n'attaque personne. Donc, pourquoi ces réactions? Qui peut se sentir agressé en France, aux États-Unis, à Bruxelles, par Viktor Orban? Il dit simplement qu'il veut que la Hongrie reste la Hongrie et que les Hongrois restent Hongrois en Hongrie. Ils n'ont pas de raison de se sentir agressés. Or, on voit que ces gens se sentent agressés. Et vous avez vu la qualité de ces gens. Hein, j'ai cité quelques noms. Aux États-Unis, on avait Deborah Lipstadt, qui est une juive spécialiste de l'antisémitisme ou de la lutte contre l'antisémitisme. Vincent pourra nous en parler. Qui vient évoquer l'Holocauste, mais quel rapport? Quel rapport entre ne pas être submergé par l'Afrique, en Europe centrale, et l'Holocauste? Quel rapport? Ah oui, si on creuse un peu, on en revient à une véritable haine raciale, celle-là. C'est la haine raciale qu'éprouvent les Juifs, même de l'autre côté de l'Atlantique, pour les peuples blancs. Le projet, c'est de bien évidemment faire disparaître les blancs en Europe. Donc j'insiste sur ce point, quoi, hein, je veux dire, à quel point vouloir vivre en tant que blanc dans son propre pays est aujourd'hui considéré comme un acte d'agression. D'accord ? Et quand vous vous défendez, vous êtes l'agresseur. Hein, c'est ça qui est... Vincent. Oui, alors justement, c'est ça, c'est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Moi, j'ai écouté le discours de Viktor Orban avec des sous-titres en anglais, mais j'ai écouté intégralement. Et ce que je crois, en effet, c'est que quand des gens en face s'étranglent en entendant Orban, c'est parce que, quelle que soit sa politique après qu'il puisse avoir dans son pays, hein, quelle que soit après les griefs personnels qu'on puisse avoir contre lui, j'ai trouvé... Alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, c'était un discours banal. Mais aujourd'hui, et ça montre à quel point d'ailleurs la situation s'est dégradée, c'est que son discours est extraordinaire. D'abord, c'est un discours qui est plein d'humour. Voilà, quelqu'un qui fait un discours qui lance une vanne, entre guillemets, hein, toutes les deux minutes. C'est très très agréable. Et par ses citations, il cite Oswald Spengler, donc le déclin de la civilisation occidentale. C'est quand même aujourd'hui de voir un ministre, un homme d'État citer Oswald Spengler, c'est quelque chose, hein. Et alors la première partie de son discours, en effet, il est par rapport au problème de l'énergie, et tu as tout à fait raison, Gandalf, quand il parle soi-disant des chambres à gaz, c'est tout simplement, voilà, il dit, les Allemands veulent que tout le monde réduise sa consommation de 15%, mais comment on va pouvoir vérifier, comment pouvoir mettre ça en acte? Et c'est là, en effet, qu'il dit, oui, c'est vrai qu'en matière de gaz, l'histoire récente montre que les Allemands ont du savoir-faire. Alors c'est en effet une pique contre les Allemands. Rien à voir avec les chambres à gaz, ou enfin, je veux dire, rien à voir avec un quelconque révisionnisme et les chambres à gaz. Hein. Mais l'aspect le plus intéressant, en effet, de son discours, c'est quand il parle de la Hongrie. Il dénonce des vrais problèmes. Il commence par dire, hein, c'est à partir de la minute 17 ou 18, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il se plaint de la faible natalité. Ils disent que chez nous, il y a plus de morts que de naissances, hein, plus de funérailles que de baptêmes, il le dit comme ça. Et il dit, mais attention, le monde, il est séparé en deux, hein. Les peuples qui peuvent, c'est-à-dire les peuples à fort taux de natalité, les peuples à faible taux de natalité. Et il le dit, si nous, en Hongrie, on ne se redresse pas, on finira par être chassés de notre propre pays. Et ça, c'est intéressant. Et là, il cite encore une fois, alors j'étais heureusement que j'étais sur ma chaise, il cite le camp des saints de Jean Raspail. Il dit qu'en France, en 1973, il y a un roman prophétique qui est paru, c'est donc le camp des saints, et il annonce d'ailleurs qu'il vient d'être traduit en Hongrie. Il a fait traduire visiblement ce livre, et il dit aux Hongrois, je vous recommande de le lire, parce que c'est ce qui va se passer. Donc encore une fois, voir un ministre dire cela, c'est extraordinaire. Et il dit après, justement, à cause de l'immigration, les nations ne sont plus des nations, mais des conglomérats de gens. Et il parle sans le dire, sans prononcer l'expression, peut-être ne la connaît-il pas, je ne sais pas, mais il parle du grand remplacement. Et en effet, Gandalf, tu as raison, il dit bien qu'en 2050, dans les grandes villes européennes, déjà, elles seront submergées par les populations étrangères, donc les populations non européennes. Et ce qui est intéressant, ces déclarations qui ont été taxées de racisme interviennent à la 23e minute. Et c'est très intéressant comment il expose tout cela. Il dit, en fait, nos antiracistes véhiculent, misent tous leurs discours sur une confusion. Ils disent, donc, ce que M. Orban dit, il dit, ben voilà, nos antiracistes disent que l'Europe a toujours été une terre d'immigration. Et là, il dit, oui, mais faire attention. Il y a deux genres d'immigration. Il y a l'immigration avec des peuples d'autres continents, comprenez, d'autres races, et des immigrations cultivent l'immigration avec d'autres continents. Nous faisons la mixité avec des gens de notre propre région. Et il dit, pendant des siècles, on s'est mélangé entre gens qui habitaient dans ces régions voisines, et nous avons fait, il dit, une sauce qui a été une culture hongroise issue de cela. Et c'est la seule, en effet, c'est la seule, c'est le seul melting pot, entre guillemets, qu'il admet. Tous les autres sont pour lui inadmissibles. Et son discours est très très bien construit. Et après, et j'en terminerai là parce que c'est tout le discours qu'il faut écouter. Si quelqu'un pouvait le traduire en français, ce serait magnifique. Moi, j'ai pas le temps et puis je pourrais le traduire qu'à partir des sous-titres anglais. Faudrait quelqu'un qui parle hongrois. Mais et après, il fait une référence à Charles Martel. Il dit « Ah ouais, mais les Français, ils ont arrêté les Arabes à Poitiers, mais aujourd'hui… » Donc et après, il développe tout cela en disant « Nous, Hongrois, nous voulons rester entre nous. Si nous acceptons une mixité, c'est une mixité entre peuples frères, peuples qui habitent sur les vraies régions. » Et je pense que sur les régions, pardon, sur les régions vraiment proches de nous. Et si il a eu toutes ces réactions hystériques, c'est toujours des réactions hystériques d'ailleurs de ces gens-là, c'est parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours pour pointer l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a un discours fantastique, très bien construit, avec beaucoup de pointes d'humour. À un moment, il dit justement, il dit « Ah, oh, mais on ne pouvait pas prévoir. Regardez, en 2019, quand je suis venu chez vous, on ne pouvait pas prévoir la crise de la Covid, on ne pouvait pas prévoir la guerre qui aurait eu lieu entre la Russie et l'Ukraine, et on ne pouvait pas prévoir que telle équipe a battu une autre 4-0. » Mais il mélange les choses pour donner à son discours un aspect plus léger. Et ça, c'est une preuve d'intelligence énorme. Et donc, c'est toujours la même chose. Nos adversaires pointent toujours deux ou trois trucs. Alors voilà, trucs sur les chambres à gaz. Après, ils agitent le chiffon rouge du racisme. Tout ça pour empêcher que les gens aillent s'intéresser au discours en lui-même. Donc encore une fois, le discours est disponible sur YouTube. Hein. J'ai pas été le voir aux gens de l'écouter, car encore une fois, quels que soient les restrictions que l'on peut avoir sur Orban en lui-même, qui en effet joue un jeu d'équilibriste entre l'Union européenne et le nationalisme hongrois, mais peut-il faire autrement? À mon avis, non. La politique, c'est toujours l'art du possible et pas l'art de l'idéal. Les idéalistes, en général, ne sont pas des bons politiques parce que ça, non, il faut admettre qu'on trempe un peu ses mains dans le cambouis, pour pas dire le pire, parce que bon, bah, il fait ce qu'il peut, mais c'est vraiment, j'ai découvert un homme qui est capable de faire un discours de une heure et un discours construit et un discours qui contient tout, absolument tout avec les bonnes références. Donc je comprends qu'en effet ses adversaires s'étranglent de rage face à cela, et tout de suite, encore une fois, et j'en termine là, encore une fois, quand ils veulent je dirais empêcher les gens d'aller voir un discours, qu'est-ce qu'on ressort? À quel point l'Holocauste est un sujet central, non pas historiquement parlant, mais pour des problèmes politiques actuels. Voilà pourquoi, eh ben moi, je suis un fanatique révisionniste, parce que je sais que c'est toujours l'arme qu'ils utilisent pour détourner qu'on a des bons dirigeants, des bons discours, etc. Oui, donc Vincent, tu disais que à chaque fois qu'un homme politique dit quelque chose de pertinent, en tout cas, on va dire sur des questions de cet ordre-là, on brandit toujours l'Holocauste pour en fait complètement. Pour ne pas parler de ce qu'il disait, pour réduire la discussion à chambre à gaz nazi, méchant, Satan. C'est ça, quoi. On voilà. Sait où ça mène. C'est leur sempiternel argument. On sait où ça mène. Voilà, c'est tout. Ça suppose de ne plus discuter, en fait. Hein. C'est la clôture du débat, en substance. Hein, voilà. Alors, sur ses propos, donc, hein, il a donné un horizon, tu as donné des éléments plus précis. D'ailleurs, Vincent, je te remercie, hein, tu as écouté son discours, donc tu as évoqué des références qui ont été les siennes, je ne vais pas y revenir. Enfin, c'est des références d'une personne qui est parfaitement informée de, j'allais dire, du temps démographique en Europe d'une manière générale et en Europe de l'Ouest en particulier, du temps civilisationnel aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un opportuniste au sens politique du terme sur cette question, c'est quelqu'un qui est convaincu. Il est convaincu, en ce sens-là, il est pour moi un véritable homme d'État, plus que ça même d'ailleurs, un véritable homme d'histoire, puisqu'il s'inscrit dans le temps long, c'est ce qu'il dit de lui-même d'ailleurs, puisqu'il cite Spengler, donc qui s'inscrit dans le temps civilisationnel. D'accord, donc ça change radicalement de gens comme Macron, par exemple, qui sont des gens qui ne s'inscrivent vraiment pas au-delà d'une élection. Hein. Voilà, c'est, vous regardez les platitudes qu'énonce Macron, ça, ce sont des gens creux, hein, ce sont des gens qui n'ont rien à dire. Orban, au contraire, lui, voit les vraies dynamiques qui font l'histoire, à savoir la démographie et ses conséquences, et il la regarde en face, il en parle très librement, avec courage, et donc il brandit deux alternatives. La sienne, celle de l'Europe centrale, qui serait une Europe plus nationaliste, identitaire, qui défend le socle biologique des peuples d'Europe centrale, et puis celle de l'Ouest, effectivement, qui est un conglomérat de peuples, pour reprendre son expression, fait de briques et de brocs importés de la planète entière, et ce modèle-là, il n'en veut pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans sa réaction en Autriche, puisque souvent, d'ailleurs, quand les politiciens sont pris à partie comme ça, ils capitulent. Tout de suite, « Ah oui, non, mais excusez-moi, je m'excuse, et puis, vous m'avez mal compris. » Et la réponse d'Orban, d'abord, il ne s'excuse pas, et deuxièmement, il dit « Non, mais en fait, c'est que vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne pouvez pas comprendre, il y a un fossé culturel, on ne peut pas se comprendre. » C'est ça qu'il dit. Il dit « En Hongrie, dans mon pays, ce que je dis est parfaitement normal, c'est culturel, c'est civilisationnel. » Et les gens ne perçoivent pas exactement ce qu'il veut dire, je pense. En fait, ce qu'il veut dire, il dit « Non, mais chez nous, dans mon pays, on est encore des Blancs. Donc ce que je dis, tout le monde le comprend. Mais dans vos pays à vous, où vous êtes repeuplés par l'Afrique, le tiers-monde, vous pouvez pas comprendre ce que je dis, parce que vous ne parlez pas la langue, en fait. Donc c'est normal, voilà, faut pas se formaliser. » Et c'est très drôle de jouer sur le choc culturel, en fait. En gros, c'est... il dit, oui, en fait, vous êtes comme des Japonais qui arrivent à Paris. Bon, oui, voilà, c'est différent, vous n'êtes pas habitués, quoi. Voilà, bah, nous, c'est pareil, voilà, on est des Blancs, donc vous n'êtes pas habitués, c'est normal. Rassurez-vous, il y a rien de grave qui se produit, voilà, on est différent. Et je trouve ça très très drôle, c'est une façon de les mettre en boîte, et très efficace d'ailleurs, parce que c'est vrai, c'est d'autant plus efficace que c'est vrai, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Europe de l'Ouest, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils ont cessé de penser comme des hommes blancs. Principalement, à mon sens, parce qu'ils pensent d'abord et avant tout, maintenant, comme des Juifs. Les Occidentaux pensent comme des Juifs. Ah oui, c'est exactement ça. Surtout les Français sont particulièrement juifs mentaux. Pour eux, tout se vaut. Pour eux, on peut remplacer n'importe quelle personne, de peu importe la race, peu importe la culture, on peut tout remplacer, tout se vaut. On peut remplacer le christianisme par l'islam, c'est pareil. Tu seras content, il y a de la tradition si l'islam s'impose en France. Mais non, mon gars, t'as pas compris. On n'en veut pas de l'islam. Et exactement, changer le contenant, le contenu du contenant, il sert plus à grand-chose, quoi. C'est ce que dit Orban. Et quelque part, ce que j'apprécie justement chez Orban, c'est que c'est un type qui, quoi qu'on en pense, il pense à son peuple. C'est-à-dire que lui, il préfère justement, sur la question de la Russie, Poutine, il est pas forcément en accord avec Poutine, mais il dit, en attendant, mon peuple, il faut qu'il puisse se chauffer, qu'il puisse manger, qu'il puisse produire, et donc moi, je refuse d'aller aussi loin que les Français et les Allemands, parce que, tout simplement, il sait très bien ce qui va arriver à son pays, c'est-à-dire la ruine. Donc, c'est vraiment à mettre en contraste avec un type comme Macron qui, lui, n'en a rien à faire. Lui, pour lui, on peut remplacer la France par toute l'Afrique et on peut paupériser, à mettre en opposé total. Et ça montre à quel point aussi ces gens-là comme Macron, Hidalgo, von der Leyen, etc., ces gens-là vivent dans une bulle où ils comprennent pas, en fait... ils comprennent pas en fait que leur modèle est néfaste. Je veux dire, eux, pour eux, Paris est une ville normale où tout va bien. par exemple. Oui, ou Londres. Londres, et oui, tout, voilà, c'est des villes où tout va bien, il fait bon vivre. Ça fait penser à certaines pubs qui te montrent Paris comme si c'était une ville illuminée, où les oiseaux chantent de partout, il y a des arcs-en-ciel, et alors qu'en fait la réalité est autre. C'est plutôt à Varsovie et à Budapest qu'on peut voir ça. Je veux dire, là, le cadre de vie est idéal, mais en France, non. Je suis désolé. Ça montre en tout cas le fossé qu'il y a entre ces deux façons de voir la chose. C'est le globaliste contre le nationaliste, en fait. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est avec d'un côté le mondialisme et de l'autre le nationalisme. Sous nos latitudes à l'heure actuelle, je ne dis pas que le combat a toujours été celui-là, mais maintenant c'est celui-là. Et on a en effet un Macron ces gens-là en fait sont dans le déni total du réel, mais leur vie est fondée là-dessus. Vous pensez qu'un gars qui augmente la dette, qui amène une dette à 3 000 milliards, comment ces gens-là pourraient dormir s'ils avaient conscience de la réalité? Non, c'est fini. Ils vivent dans un cadre totalement irréel. 3 000 milliards de dettes, on s'en moque. C'est pas grave, on remboursera jamais. De toute façon, le système est mort. Mais on s'en moque. Paris, mais c'est très bien. On va avoir des jeux inclusifs, des jeux avec une parité absolue, des jeux où tout le monde pourra participer, aller voir sur le site. Vous verrez, en plus, on vous tutoie. Hein. Prépare ton dossard. On tutoie, etc. Des gens qui sont dans le déni de la réalité. Et le mondialisme, c'est ça. C'est le déni global de la réalité. À un moment donné, parmi les réactions, il y avait Deborah Lipstadt. Est-ce que ça te parle, Vincent? Ah ben oui, puisque Deborah Lipstadt, c'est donc déjà, ça a été, elle a gagné son procès contre Irving. Bon, là, il y a eu un peu de la faute de David Irving. Il a peut-être ne pas valu qui s'y frotte. Enfin bon. Et puis Deborah Lipstadt, c'est vraiment la femme d'origine juive qui exploite l'Holocauste à 200% contre tout ce qui est nationalisme, défense de la race, etc. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'elle est maintenant, qu'elle soit dans le gouvernement américain, la lutte contre le racisme. Hein. C'est vraiment... Elle n'est pas au niveau du gouvernement américain pour lutter contre le racisme. C'est une officielle du gouvernement américain pour lutter contre l'antisémitisme au niveau mondial. Et c'est le degré, peut-être pas ultime d'ailleurs, mais enfin de l'exploitation de l'Holocauste, entre guillemets, hein, pour tout ce qui permet déjà la défense des intérêts du peuple juif, la défense des intérêts du sionisme, qui ne sont pas toujours les mêmes d'ailleurs, et aussi la lutte contre tout ce qui est ancien ordre, c'est-à-dire ordre national, dont Viktor Orban, quoi qu'on en pense par ailleurs, est l'un des derniers fleurons en Europe. Oui, manifestement. Maintenant, dans ce qu'on voit là, dans la dynamique qu'on voit, donc on voit bien qu'il s'agit de remplacer les peuples blancs, parce que cette polémique qui devrait ne pas en être une le démontre. Donc, quand un premier ministre d'un pays qui n'est pas un pays d'immigration dit qu'il ne veut pas devenir un pays d'immigration, on lui sert toutes les insultes convenues. Donc, il est traité de nazi, qu'il a la rhétorique raciale des nationaux-socialistes, que c'est du Joseph Goebbels dans le texte, et notez qui c'est qui démissionne de son gouvernement, c'est une juive. Donc les juifs qui sont extraordinairement conscients racialement, et qui luttent constamment pour les intérêts de leur race, font le reproche à Orban de défendre l'intégrité biologique de son peuple. C'est très très révélateur de la part de ce peuple. Qui attaque tout en se disant agressé. Le grand classique des juifs. Et on voit l'articulation avec l'Holocauste, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce qu'on disait, on a développé ça quand même depuis un certain nombre d'émissions avec Vincent ici. Nos auditeurs le savent maintenant, mais ils en ont la démonstration encore une fois. C'est-à-dire que Viktor Orban n'est pas quelqu'un qui a pour ambition de restaurer le régime des croix fléchées et qui ne cite pas Adolf Hitler, qui veut simplement défendre l'intégrité physique de son peuple. Bon, eh bien, quand vous voulez défendre l'intégrité physique de votre peuple, on vous indique la direction d'Auschwitz. Les médias vont citer Auschwitz. Donc, même quand vous dites, oh, ces histoires-là, ces trucs, c'est le passé, faut regarder vers l'avenir. Non, mais justement, non. Ceux qui contrôlent les médias ne veulent pas tourner la page. Hein. Et avec Viktor Orban, on en a vraiment la démonstration par l'absurde. Alors, bon... maintenant, ce qu'il dit, il dit voilà, l'Europe. C'est le point de vue des Hongrois d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que les Hongrois considèrent que l'Europe occidentale est foutue. Ça, c'est leur point de vue. Ça ressort très nettement de son discours. Ah oui, chez lui, mais il faut savoir que d'une manière générale, les Hongrois, dans les cercles politiques hongrois, ils considèrent. C'est pas que dans le parti d'Orban, hein, c'est dans pratiquement. Enfin, je parle pas des partis de gauche payés par Soros. Principalement le Parti Socialiste là-bas, mais non, je parle vraiment des autres. Ils considèrent que l'Europe de l'Ouest, c'est une affaire entendue, c'est réglé. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de blanc en Europe de l'Ouest, mais pour eux, c'est entendu. C'est, voilà, ça, c'est, le match a eu lieu, il est terminé. Voilà. C'est pour ça qu'Orban insiste en disant, attendez, nous vivons selon nos modes de vie, nos coutumes, voilà, vous ne comprenez pas bien, mais c'est notre façon de vivre, et vous vivez comme vous voulez chez nous, mais nous ne voulons pas suivre votre pente. Et il insiste beaucoup sur ce point, précisément pour ça, parce qu'il considère que c'est déjà réglé. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre, il faut bien intégrer cette dimension-là chez lui, chez d'autres hommes politiques en Hongrie, et j'ai beaucoup d'hommes politiques d'Europe de l'Est. Hein, je veux dire, ils ont, pour eux, c'est une non-question. C'est un non-sujet. Est-ce que j'allais dire, mine de rien, Poutine a à peu près le même discours que lui. Hein, c'est-à-dire, non, on refuse de céder à toute cette idéologie globaliste, cosmopolite. Et justement, les Hongrois, comme les Russes, ce qui est assez drôle comme parallèle, enfin... évident d'un côté, c'est que les deux, je sais pas si vous avez déjà vu des publicités invitant au tourisme ou à l'immigration, parce qu'on va pas se mentir, c'est des pays justement Hongrie comme Russie qui ont un petit souci démographique, mais bon, c'est un peu tous les pays. Un gros souci. Un souci de croissance démographique, donc du coup, forcément, ils sont pas contre de faire venir des blancs, évidemment, des blancs de qualité chez eux, et donc leur argument de vente principal, et que j'ai pu voir sur des pubs russes et hongroises, en tout cas du groupe de Visegrad, etc., c'est toujours le même discours, c'est « nous, on n'est pas wokistes, nous, on est homogène, nous, on est chrétien et on le valorise », venez chez nous. En plus, on vous paierait pas beaucoup d'impôts. Hein, ça, c'est aussi une autre chose qu'on peut noter. Donc, c'est quand même un truc qu'on peut remarquer dans le fond, c'est que les Occidentaux ont créé un enfer sur Terre. À côté de ça, l'Europe de l'Est propose la solution, un antidote. Et ça les emmerde, les Occidentaux. Parce qu'ils n'aiment pas voir... des gens proposer une alternative, dire non, mais nous, en fait, on propose quelque chose d'autre. C'est très juste ce que tu dis. C'est comme du temps du communisme. Pourquoi le communisme a échoué ? C'est parce qu'il n'a pas conquis le monde. Il a été mis en concurrence. C'était tout le problème. C'est-à-dire que si le communisme avait conquis l'entièreté de l'Europe, d'un seul coup... on ne pouvait pas comparer à quoi que ce soit. Les peuples européens n'auraient pas pu comparer à quoi que ce soit. Ça aurait été extrêmement difficile. Donc, sortir d'une matrice de cette nature, ça aurait été extraordinairement difficile. Et le communisme, c'est pour ça que moi je dis, contrairement à tout ce qu'on peut entendre et ce qui peut être assez contre-intuitif, je pense qu'Adolf Hitler a détruit le communisme à Berlin. C'est très contre-productif, c'est très contre-intuitif. Hein, parce qu'on voit le drapeau rouge flotter sur le Reichstag. Oui, mais il l'a stoppé au milieu de l'Europe. Il a stoppé au milieu de l'Europe, le mur est tombé, D'ailleurs, l'expression était de Joseph Goebbels, le rideau de fer est tombé, et de ce moment-là, le communisme a commencé à se fragmenter, à s'effondrer. Ça a mis 50 ans, mais il a été obligé d'essayer d'avancer dans des pays du tiers-monde, mais sans aucune importance. C'est-à-dire que la bataille en Europe pour le communisme était finie. Ils avaient perdu. Et il suffisait de comparer les modes de vie, etc. Alors, je ne dis pas, parce qu'on a vu ensuite l'infection, parce que le marxisme a continué à infecter l'Europe de l'Ouest. Mais le communisme bolchevique, léniniste, a échoué. Et là, c'est, si vous voulez, la deuxième partie de cette même histoire, c'est que maintenant, c'est l'Ouest trotskiste, en substance, qui va échouer parce qu'il y a des alternatives à côté, et que les peuples peuvent quand même regarder. Alors, quand les élites occidentales disent « C'est formidable, quelle chance vous avez de vivre dans notre magnifique système, oh, vous devriez remercier la Providence de vous avoir donné des leaders comme nous », parce que c'est ce qu'ils nous disent, hein, tous, hein, tous nos dirigeants, ils nous disent oh, « Quelle chance vous avez !» Quelle chance! Vous avez le meilleur système politique, le meilleur système économique, l'immigration, c'est extraordinaire. Oh, imaginez, il y a des pays sans immigration. Vous avez la chance d'avoir l'immigration. Oh, vraiment, hein, vous avez vraiment de la chance. Hein, vous avez vraiment de la chance. Qu'est-ce qui vous attendait pour nous dire merci? Bon, alors, soit on se satisfait de ce discours, comment dirais-je, d'autosatisfaction, qui étaient les discours des dirigeants communistes. Hein. Ils disaient constamment, c'est extraordinaire, regardez, on a réussi ça cette année avec leur économie au plan. Pareil en Europe occidentale. C'est-à-dire que d'année en année, on voit bien la situation s'aggraver, à tous les niveaux, je veux dire, à tous les niveaux. Hein. Il y a différentes façons d'évaluer, mais au plan économique, au plan social, au plan culturel, je veux dire, regardez juste l'alphabétisation en France. C'est un exemple, ça. Ça, c'est, je veux dire, un critère dur du niveau de développement d'une nation, excusez-moi. Hein. Si le peuple ne sait pas lire, ne sait pas écrire, c'est un peuple qui est en déclin. Manifeste, je veux dire, ça c'est indiscutable. Et bien c'est ce qui se passe en France. Et c'est probablement pas ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. On pourrait continuer comme ça longtemps, bien sûr. Donc, avec le temps qui passe, je pense qu'Orban l'a bien saisi, c'est un peu ce qu'il met en avant. Il dit oui, on va devoir accueillir les peuples qui chercheront à échapper en fait à l'enfer ethnique mental. Il met en avant les avantages comparatifs de l'Europe centrale, qui en fait, d'être une Europe européenne. Et c'est évidemment un avantage comparatif. En tout cas sur le temps long. Alors on va voir ce qui va se passer, mais forcément, dans la prison des peuples qu'est cette Union européenne dystopique, c'est sûr que de voir des alternatives, même dans le système, parce que la Hongrie est dans l'Union européenne, on comprend que ça suscite vraiment des grincements de dents, hein. c'est évident. Hein. Et la question raciale est centrale là-dedans. Parce que, pourquoi elle est centrale? Parce qu'elle est irréversible, dans une certaine mesure. Si vous avez complètement repeuplé un pays d'Africains, bah c'est un pays d'Afrique, excusez-moi, et c'est terminé. Vous pouvez faire toutes les théories politiques que vous voulez, c'est terminé. C'est un phénomène de cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Quoi. Voilà. Alors, évidemment, on peut parler de remigration, on peut expulser, hein, mais au bout d'un moment, si la masse devient tellement énorme qu'elle est majoritaire, excusez-moi, vous allez vers la partition territoriale, vous n'allez pas vers la remigration. Quoi. Donc, et c'est ce que dit Orban. Donc, son discours est très réaliste, très terre-à-terre, il est à la hauteur des enjeux, et forcément, face aux véritables dirigeants communistes que nous avons, parce que bon, moi, je vois pas comment qualifier autrement les dirigeants occidentaux. Hein. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'ils sont dans la poche des oligarques, etc. Certainement. Enfin, c'est une oligarchie quand même très dirigiste qui met en coupe réglée toute l'économie. Et quand vous regardez le projet de société qui est leur, je veux dire, on est quand même très proche, très proche de la bolchevisation. Hein. Bon, voilà. Hein. Alors, on me dit, ouais, mais ils ont de l'argent. En disant, oui, bon, et alors les apparatchiks du Parti communiste en Union soviétique, ils mangeaient du caviar sur le bord de la mer Noire. Hein. Il n'y a pas de problème. L'un n'exclut pas l'autre. Hein. Jean, avant qu'on change de rubrique, est-ce que tu crois que c'est visionnaire ou est-ce que tu voudrais dire quelque chose aussi sur le les réactions des juifs hystériques qu'on a vues là-dessus? Oui, alors plutôt sur les réactions des juifs, parce qu'en fait, Je pense que Orban a très bien compris les dynamiques qui se passent en Europe. Il sait que l'Union européenne a besoin plutôt qu'il soit dans leur camp. C'est pour ça qu'il le ménage aussi. Donc il s'en sert pour essayer d'en tirer un maximum. Ils sont nets positifs dans les contributions de l'Union européenne. Donc l'Union européenne leur donne plus que ce que eux donnent, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils iraient tout de suite voir les Russes s'ils étaient insatisfaits. Donc c'est sûr que Orban a bien compris qu'il avait une certaine liberté, et je pense que Vincent l'a bien expliqué. Après, il est quand même relativement dans le système, il s'est quand même défendu d'être raciste, d'être antisémite, et ainsi de suite. Donc bon, il y a du bon, tout n'est pas parfait. Mais alors pour ce qui est des réactions des Juifs, moi j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce que ça trahit chez eux, c'est qu'ils savent qu'immédiatement, s'ils ne mettent pas le holà à ce genre de discours, dès que des Blancs auront là une certaine conscience raciale, ils vont poser la question, bon, on est Blanc, on veut défendre nos intérêts, qu'est-ce qui s'oppose à nos intérêts immédiats? Et alors là, la réponse, pour quiconque va faire le travail honnête de poser la question et de chercher une bonne réponse, ça va être de se dire, bon, bah, en fait, les Juifs, c'est un problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est pour ça que les Juifs ont besoin de immédiatement freiner pour s'assurer qu'on ne prend pas une mauvaise direction. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sentent immédiatement visés, bien sûr. Bien sûr, évidemment, hein, bien sûr. Mais j'ai vu dans l'article du Monde, mais de toute façon dans la presse, suite aux réactions, c'était de dire à quel point Orban était dangereux, anti-migrant, il avait dressé des frontières. Alors, dans le journal Le Monde, vous en avez parlé aussi, et c'est extraordinaire, parce que le journal Le Monde est un journal à coloration ethnique très claire, hein, c'est un journal juif, je l'ai dit, c'est une propriété des juifs, dirigeants de la rédaction sont souvent des juifs, et alors de les entendre hurler contre les frontières d'Orban, c'est particulièrement délicieux, parce que d'abord Orban, encore une fois, n'agresse personne, il dresse une frontière pour défendre son pays, qui agresse-t-il? Les juifs se sentent agressés, donc ça fait le lien avec ce que tu dis, hein, je veux dire, c'est pour celui qui n'arriverait pas à décrypter, bon tu l'as bien expliqué. C'est que, en fait, dès que des Blancs veulent se défendre, les Juifs se sentent agressés parce qu'en fait, ils sont les agresseurs. Ils entrevoient déjà la réaction de défense qui va leur tomber sur le coin de la gueule, à juste titre. Mais on peut aussi souligner l'hypocrisie des Juifs. Parce que dans leur petit paradis racial en Palestine, le peuple élu a le souci de ses frontières. Il a le souci de ses frontières à un tel point qu'il a dressé des miradors partout, avec des murs en béton. Là, on ne parle pas de barbelés, hein. Là, c'est des murs en béton qui font 5, 6, 7, 8, 10 mètres de haut. Et gare à l'arabe qui essaiera de franchir cette frontière pour retourner dans son pays d'origine, parce que je rappelle que les Arabes de Palestine sont par définition chez eux en Palestine. Ils en ont été chassés. Mais quand il veut franchir la frontière, c'est probablement une des seules frontières que les Arabes franchissent, je veux dire, légitimement, c'est la seule où ils se font abattre. Il faut quand même le souligner, hein, je veux dire. Et les seules frontières, et les autres frontières qu'ils franchissent illégitimement, ils ne se font jamais abattre, et quand on ose les repousser, il y a toute la presse juive qui hurle. Alors, ça, c'est extraordinaire, je veux dire, cette duplicité totale des Juifs. Alors, il faut le souligner. Alors, Vincent, tu voulais parler, ça retient forcément mon attention dans ce contexte qu'on a évoqué avec Viktor Orban, de la motion qui a été présentée, je crois que c'est un projet de résolution plus exactement, présenté au Parlement français, à l'Assemblée nationale, par la France insoumise, qui est relative à la Palestine. Est-ce qu'éventuellement tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, qu'est-ce qui anime la France insoumise et pourquoi tu as trouvé que c'était... qu'il y avait des éléments intéressants là-dedans. Oui, alors, je ne serai pas très long parce que j'ai consacré une vidéo ce matin, que j'ai mise en ligne ce matin. C'est une des vidéos, d'ailleurs, qui m'a pris le plus de temps. Il m'a pris environ 50 heures de travail pour la mettre au point. Donc, elle est sur le forum ELB. Donc, elle s'appelle occupation, apartheid et violence, la raison profonde de l'impunité d'Israël. La motion donc a été, enfin la proposition de résolution a été déposée le 13 juillet par un élu communiste, un député communiste, Jean-Paul Lecoq, qui a été suivi d'une trentaine d'autres députés en majorité communiste et d'autres origines de gauche. Mais en fait, bon, ça représente en gros la NUPES, mais ce n'est pas originaire de la NUPES, mais quand même. Et cette résolution vise, un, à ce que la France condamne la politique d'apartheid pratiquée par Israël dans les territoires occupés, et qu'elle demande justement le boycott d'Israël. Alors naturellement, ce qui a été extraordinaire, c'est que bon, les Juifs sont montrés au créneau, la LICRA, tout le gratin habituel, hein, le CRIF, tout ça. Comme ça a été bien souligné dans Démocratie participative, le Rassemblement national s'est joint à ce concert d'indignation avec M. Alliot, etc. Donc, on voit tout de suite maintenant où il se situe. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, alors, j'ai analysé. Est-ce que tu peux nous dire alors, la motion, enfin, que contient cette résolution déjà pour commencer? Alors, cette motion, en fait, prend acte que elle se fonde sur des rapports de l'Observatoire des droits humains, d'Amnesty International et de aussi B'Tselem. C'est une association de veille sur les droits de l'homme qui est basée à Jérusalem. Une association donc faite de juifs et d'arabes, mais en majorité de juifs, et qui défend justement les droits humains, donc qui prend à partie la politique israélienne en la qualifiant d'apartheid. Hein. Ils disent bien Israël fait régner un apartheid dans les territoires occupés. Donc ce rapport, cette proposition mentionne tous ces documents et prend acte, en effet, en se fondant sur ces documents, que Israël pratique une politique d'apartheid. Alors, c'est la politique habituelle, hein, c'est-à-dire une politique où les Palestiniens sur leur territoire n'ont absolument aucun droit. Ils sont soumis à une occupation militaire qui leur dénie tous les droits. Alors, il y a des fiches intéressantes que je montre dans la vidéo, notamment, par exemple, un enfant juif qui naît dans une colonie de Cisjordanie, donc je vous rappelle que la Cisjordanie, c'est le territoire palestinien occupé, hein, qui aurait dû, au terme des accords de 1947, être revenir aux Palestiniens. Donc aujourd'hui, le territoire, il est occupé. Alors, un jeune juif qui naît dans une colonie de Cisjordanie peut prendre sa voiture pour se rendre à Jérusalem. S'il a un problème, il aura le droit à un procès juste, il peut s'exprimer librement et il peut construire sa maison. En revanche, tous ces droits sont déniés à un Palestinien qui naîtra en Cisjordanie, donc c'est sur le même territoire, mais dans une enclave palestinienne. Il n'aura pas le droit à tout cela. Il ne peut pas se rendre à Jérusalem, il ne peut pas construire une maison, il ne peut pas s'exprimer librement. Et si jamais il a un problème avec la justice, alors là, ça peut être, il peut être mis en détention provisoire. Enfin, ils expliquent tout ça. Donc, ils font des fiches comparatives qui montrent bien la discrimination. Un enfant juif qui naît aux yeux de l'État peut passer ses vacances en Israël, peut s'installer en Israël, peut devenir israélien et peut donner tous ses droits à son conjoint. Par contre, un enfant palestinien qui naît au Liban, par exemple, dont les parents sont réfugiés au Liban, il ne peut pas même se rendre en Israël pour ses vacances. Il peut encore moins s'y installer. Et si jamais il pouvait, de toute façon, il ne pourrait rien donner à son conjoint. Donc, c'est très, très intéressant. Et donc, ce rapport fustige cette politique d'apartheid. Et ils disent bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'ils disent que depuis le début, Israël, c'est un projet de domination, ils disent bien, d'un groupe racial. C'est en toutes lettres, hein. Je le cite dans la vidéo, je montre le document. Ils disent bien donc qu'Israël, dès le début, est organisé pour assurer la suprématie démographique, politique, etc. d'un groupe racial sur un ou plusieurs autres. Et donc, c'est une politique d'apartheid proprement dite qui a été définie en 1973 par l'ONU. Hein, et je le cite, ça c'est pareil, hein, cite, ils disent bien, c'est une politique d'apartheid. Voilà donc la teneur de la motion. Et ils terminent en concluant que il faut dénoncer cela, donc il boycotter Israël. Voilà pour la teneur de la motion. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, donc, j'ai étudié, en allant voir les sources originales, pas en citant des gens qui citent, mais j'ai étudié donc la dialectique sioniste, en fait, face à cela. Et en fait, la dialectique sioniste, elle consiste à dire non, Israël ne pratique pas du tout une politique d'apartheid. En Israël, tous les citoyens ont les mêmes droits, même les citoyens LGBT. Je veux dire, ils ont les mêmes droits, ils peuvent travailler, ils peuvent s'exprimer, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi ils peuvent dire ça? Parce que pour eux, en fait, c'est ça. Ils tiennent énormément à leurs frontières et ils disent que Israël s'arrête aux frontières des États occupés. Les États occupés, ça n'a rien à voir avec Israël. C'est des États qu'ils ont été obligés d'occuper suite à des guerres d'agression et dans lesquels ils doivent assurer leur sécurité et l'assurer ad vitam aeternam. Donc, quand ils disent « mais non, Israël ne pratique pas une politique d'apartheid », il y a un malentendu, honnête ou pas, ça je laisse après les gens juger, il y a un malentendu sur le fait que eux, ils s'arrêtent aux frontières du pays. Voilà. Et ils disent non, le reste, c'est les territoires occupés qui sont très très mal gérés par une autorité palestinienne qui est au pouvoir depuis 10 ans sans élection. À Gaza, c'est le Hamas. Et puis tous ces gens-là se revendiquent d'Hitler. Ils le disent, hein. Je montre leur brochure sioniste. Ils disent le Hamas veut nous génocider. Il y a toujours les éternelles références à Hitler. Ils ont fait une brochure spéciale qui s'appelle de la haine au génocide, où ils disent voilà ce qui se passe, voilà où ça arrive, etc. Donc il y a toute la dialectique sioniste en face de cela. Et naturellement, en France, face à cette motion de censure, face à cette proposition de résolution qui a été proposée, donc qui a été déposée à l'Assemblée nationale, tout de suite il y a la menace. Il y a la menace, Guy Taïeb nous dit, à l'issue du vote, on saura quels sont les antisémites, antisionistes au sein de l'hémicycle. C'est-à-dire tout de suite, attention, ceux qui vont voter pour la motion, enfin pour la proposition, savent qu'ils seront tout de suite taxés d'antisémitisme. Et à partir du moment, et c'est la dernière chose que je termine là, les gens intéressés pourront voir la vidéo, elle dure 35 minutes, hein. À partir du moment où vous avez lancé l'accusation d'antisémitisme, tout débat, comme disait Gandalf tout à l'heure, comme tu disais très bien, tout débat est impossible. Parce que tous vos arguments sont rejetés d'emblée. Et ce qui est marrant, c'est que dans le rejet des arguments, le Rassemblement National est champion. Ils nous disent, ce sont les arguments des islamistes. Donc déjà, et puis, c'est scandaleux de faire ça à une époque de résurgence de l'antisémitisme. C'est irresponsable. Donc vous avez toujours, on refuse d'analyser un argument pour sa valeur intrinsèque. On refuse d'étudier sa valeur intrinsèque, on regarde d'où il vient. Et on dit, ça vient des islamistes. Donc ça peut être que faux. Alors naturellement, aujourd'hui, c'est utilisé contre les islamistes, mais nous, c'est pareil. Vos arguments, ça vient des nazis, ça vient de Goebbels. Donc c'est faux. C'est fini. Il n'y a pas à discuter. Terminé. Et puis la grande technique, c'est de dire, vous mettez la République et la démocratie en danger. Voilà. Et donc, c'est toujours la même chose. Et puis, l'ultime référence, naturellement, l'Holocauste, on sait où ça mène, patati patata. Donc voilà ce qu'il y avait d'intéressant dans cette proposition de résolution. Il faudra suivre l'affaire parce que je pense que ça donnera lieu à des développements intéressants pour voir la mainmise de ces associations sur la France. Alors pourquoi parler de ça? Parce qu'après tout, certains auditeurs disent « mais j'en ai rien à foutre de la Palestine, ça ne m'intéresse pas ». Oui, je peux comprendre d'ailleurs totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, quand vous êtes en Europe, vous pouvez n'avoir strictement rien à faire de la Palestine. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire que vous deviez être pro-palestinien ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le sujet. Mais il faut comprendre que les Juifs ont un pied dans les deux mondes. ils ont un pied dans le monde musulman et ils ont un pied dans le monde occidental et dans le monde européen. Et donc, il est frappant de voir que l'argumentation utilisée pour défendre leurs intérêts raciaux sont systématiquement les mêmes, qu'il s'agisse, enfin, intérêts raciaux réels ou perçus comme tels, hein, par les juifs. Donc, quand il s'agit de se confronter à Orban, on brandit l'Holocauste. Quand il s'agit de faire taire des gauchistes en France qui veulent prendre la défense des Arabes de Palestine, on brandit l'Holocauste. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez, comment dirais-je, faire quelque chose que les Juifs estiment leur poser problème, ils brandissent l'Holocauste, et à partir de là, effectivement, le débat est clos. C'est à ça que sert le conditionnement sur l'Holocauste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mot est utilisé par les Juifs, il ne peut plus y avoir de discussion. La discussion est terminée. C'est d'abord et avant tout la marque du pouvoir. Parce que celui qui clôture la conversation est celui qui a le pouvoir. Donc quand on vous dit Holocauste, le débat est clos. Il n'y aura pas de discussion. Voilà. Et le Rassemblement National, effectivement, sur la question... court après les Juifs. Je ne sais pas ce qu'ils pensent réaliser. Cette pauvre Marine Le Pen, d'ailleurs, je crois qu'elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle pense pouvoir réaliser. Veut-elle même réaliser quelque chose? La réponse est évidente. Enfin, bon, ils courent derrière en espérant je ne sais quoi, en essayant d'être les premiers de la classe de la France juive. Mais évidemment, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous ratifiez ce type d'argument, vous les ratifiez intégralement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah oui, l'antisémitisme », et ensuite dire « Ah ben non, pas là, pas pour nous, ça ne marche pas. Vous savez, nous, c'est complètement différent. » Ah ben non, si les Juifs utilisent cet argumentaire contre les autres, ça sera utilisé contre tout le monde. Contre tout le monde. Y compris contre le RN. Donc à la minute où le RN essaiera peut-être, par accident, de vouloir proposer une mesure qui pourrait sensiblement défendre quelques Blancs, et que les Juifs disent « Attention, pour reprendre l'argument de Jean, attention, là, ça ne va pas dans la bonne direction, on intervient », le RN il sera obligé de retourner à la niche. Parce qu'il a dit « Oui, effectivement, l'Holocauste, ça permet de clore la discussion. » Voilà, voilà l'état du rapport de force, parce que c'est un état de rapport de force. Ce n'est pas lié, alors que les gens le comprennent bien, ce n'est pas lié à la chambre à gaz. On s'en fout de la chambre à gaz, d'accord ? Et je pense même que beaucoup de Juifs en ont rien à foutre de la chambre à gaz. Ce qui les intéresse, c'est le rapport de force. Voilà, c'est le totem magique qu'ils brandissent. Et ils en espèrent la soumission. Voilà. Et alors, le test, il est fait systématiquement, et celui qui ne se soumet pas à ce test, eh bien, est décrété ennemi des Juifs. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point, parce que avec le cas d'Orban, c'est frappant, quoi. Hein, je veux dire, c'est frappant, quoi. Alors, bon, j'ai bien entendu les réserves sur Orban, je les comprends, hein, après tout. Mais quand on voit le RN, ce qu'il développe aujourd'hui comme position, on est à des millénaires de ça. Je veux dire, vous imaginez que dans la France submergée de 2022, la soi-disant extrême droite, présentée comme telle dans les médias, donc est censée faire peur à tout le monde, n'a aucune lecture raciale. Ça n'existe pas. La race n'existe pas dans le discours du RN. C'est une non-catégorie. Le remplacement de population est une non-catégorie. Marine Le Pen, encore au printemps de cette année, 2022, a récusé la notion de grand remplacement et de remigration. Et d'ailleurs, les Israéliens vont encore plus loin, parce que eux, ils veulent préserver leur substrat racial. Et eux, ils vont plus loin que la réémigration, c'est qu'ils stérilisent, ce que j'ai entendu dire, ils stérilisent certaines populations. Donc, ils l'ont eu fait, mais même voilà, si ils l'ont fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils vont plus loin que ce qui a jamais été fait. C'est-à-dire que aucun peuple n'a pratiqué de stérilisation médicale sur des populations. Enfin, en tout cas, à échelle étatique. Hein. Bah, pas récemment, pas que je sache. Il y a d'autres mesures qui prennent, c'est-à-dire ils disent préserver, ils préservent rien, ils l'imposent, hein, la majorité juive en Palestine, etc. C'est-à-dire que dans leur petit précaré racial, les juifs s'autorisent toutes les mesures, toutes les mesures qu'il décourage intensivement dans le monde occidental pour les peuples blancs. Donc nous avons un problème avec ces juifs. Puisque ces juifs utilisent il ne devrait pas y avoir de juifs en Occident, et d'une, et deuxièmement, encore moins dans toute fonction à influence. Donc, parce que sinon, c'est eux qui pilotent votre État, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Et alors, donc, et on enterre. Bah oui, forcément, du coup, ils imposent les interdits, ils imposent ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Vous terminez avec un soi-disant, enfin, pour la France, avec des soi-disant partis qui doivent défendre les autochtones qui ne les défendent pas, puisqu'il est interdit de parler de questions démographiques, raciales, ethniques, de remplacement, de renvoi chez eux de leurs immigrés, c'est complètement sucré dans le programme du RN. Donc, à quoi nous sert, par exemple, le RN aujourd'hui, dans cette France juive, où les juifs dictent tout? À quoi nous sert le RN? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? On ne sait pas, pratiquement rien. Il dit, ouais, on va peut-être un petit peu terminer l'immigration, etc. Oui, mais... mais de toute façon, le RN a un discours qui s'est toujours voulu républicain. Or, la République a toujours... au moins dans les faits et dans ses programmes idéologiques, récuser la notion de race. Même si auparavant, il y avait encore, malgré tout dans les faits, il y avait cette notion de race, mais elle a toujours récusé. Donc, quand j'entends des gens qui me disent « moi, je veux une sixième république, une république en ordre », tout de suite, je me dis « ok, bon, ben, c'est fini, allez, je passe à autre chose hein. ». Je veux dire, c'est pas possible, on ne peut pas, la république est universaliste par essence. C'est ce qu'il faut comprendre, même si après elle est universaliste, l'homme est, voilà, c'est une entité qui n'a pas de nature, il n'y a pas de nature humaine. L'homme, c'est ce qu'il choisit d'être, c'est pour ça qu'on peut changer de sexe, qu'on peut changer de tout, sauf justement se dire blanc. Parce que là, c'est, attendez, là, vous dites qu'il y a une nature, il y a une nature raciale, ça va pas. C'est ça qui se passe. Donc, le RN, et même avant, d'ailleurs, en quelque sorte, le Front National, sur la fin, c'était ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, avant de se séparer, une dernière petite rubrique, mais très, très légère. C'est la gauchiasse de la semaine, et c'est Dani Caligula. Alors, c'est... Je sais pas, c'est un genre de youtubeur. C'est un twitcher. Ouais, c'est un twitcher, tu vois. C'est un type qui. Ce que je veux dire, tu vois, c'est pire parce que c'est un type qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Ouais. Enfin. En faisant de la politique, quoi. Voilà. En faisant de la politique, voilà. Et en déblatérant toutes ces âneries. Je crois que j'avais regardé par curiosité. Malsaine, je dirais. Mais j'avais écouté son débat avec le rappeur nationaliste, là, Gros-Blanc, et c'était ahurissant de mauvaise foi, de bêtises, mais que le type était quand même hautain, mais tout en disant, non, mais tu vous comprends, je suis un prolétaire, et puis d'abord, je discute avec les autres, donc tu vois, je suis ouvert. Enfin, tu vois, c'est... Il a ce côté insupportable, parce que et voilà, il dit non mais je suis ouvert, je discute avec les nazis, mais je viens leur montrer à quel point j'ai raison et qu'eux ils sont dans le tort. Enfin, insupportable. Alors voici ce qu'il a déclaré, Dani Caligula. Donc bon, il zone hein, dans la mouvance du trotskiste Usul, la bulle Mediapart, tout ça. Bon, les trotskistes, quoi. Les trotskistes, hein, le père Plenel, c'est un trotskar. Hein. Tout ça, c'est la même bande. Hein. Donc, les opportunistes de gauche. Alors, ça fait suite, vous savez, à ce clip promotionnel adressé à un public japonais, diffusé sur les réseaux sociaux pour la France comme destination touristique. Et sa particularité, la particularité de ce clip était qu'il est un manga, en fait. Hein. Enfin, un animé, on appelle ça un animé. Donc, c'est en style, vous savez, dessin animé japonais, vous voyez le genre. Et donc, ça nous vante les images d'une France un peu irréelle, puisque c'est la France. Moi, j'avais compris, d'après ce que j'avais. Je lis quand même un peu Plenel depuis un moment, et d'une manière générale, les trotskistes. Moi, j'avais compris que toute la France dans ce clip-là, c'était la France qui pue, en fait. Parce qu'on voit des châteaux, c'est la France d'Amélie Poulain, vous voyez. D'ailleurs, quand Amélie Poulain est sortie, ce film-là, qui a maintenant une vingtaine d'années, qui avait été fait par Genet. Il avait été très attaqué par la gauche culturelle, puisqu'on avait dit qu'il présentait justement une France moisie, la France rance, en fait, comprendre la France de l'occupation, hein, où en fait on avait une France homogène, de cartes postales, où tout est joli. Et alors, parce que vous savez que les trotskars, en fait, haïssent absolument tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est européen, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est extraordinaire de voir comment il retourne la crêpe, puisque ce clip sous forme d'animé japonais destiné à un public japonais pour promouvoir la France comme destination touristique, où on met en valeur donc toutes les destinations, je sais pas, les châteaux, les rues, les marchés, etc. Voilà, c'est très bucolique, c'est très vraiment l'impression de quelque chose d'un peu irréel. Hein. Eh bien, ça a suscité des réactions très, très, très ironiques de la part du public qui a dit « Attendez, Paris et la France, c'est plus tout à fait ça quand même. » Je veux dire, voilà, alors Paris, c'est dégueulasse. Alors les gens, ils sont tous allés de leurs commentaires. Hein. Donc Paris, c'est dégueulasse, il y a des poubelles partout, des camés partout, des clodos partout. C'est devenu insupportable, etc. Puis alors là, les incites, les déprédations d'Hidalgo, les autres, les déprédations des halogènes, etc., etc. Donc ça, c'est le contexte. Et il y a même des gens de gauche qui commentent en disant, donc sous les commentaires de Caligula, ils disent « Non, non, moi, je peux pas supporter les fachos, etc., mais là, là c'est pas possible, quoi. » Je veux dire, non, non, là, ça... Non, non, le truc, c'est du délire, là. Je veux dire, la France, il y a vraiment un problème de sécurité en France, etc. Donc, il y avait même des gens de gauche qui disaient que... Il y a un problème de sécurité, d'hygiène, etc. Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire que c'est à cause des étrangers, bien sûr, des halogènes, hein, de l'immigration. Enfin, il y a quand même un problème, quoi, hein, que tout le monde sent bien, quoi. Hein, peu importe les appartenances politiques. Alors, Dani Caligula, face aux réactions hostiles, notamment de beaucoup de gens qui sont plus ou moins identifiés à la droite identitaire, a dit ceci. Les réactions, donc au clip, sont une preuve supplémentaire que les droitards n'aiment pas leur pays. On dirait que Paris, c'est une poubelle pour eux, mort de rire. Ils perdent toute capacité à s'émerveiller devant la ville parce qu'ils ont peur des pickpockets dans le métro. C'est trop. Ils croient les animés, ça idéalise pas le Japon aussi. Ouais, je parle comme il écrit, hein, c'est du Twitter, hein, c'est du langage Twitter. Ah mais c'est vrai, quand ils visitent Tokyo, eux, ils se sentent en sécurité et se font du coup arnaquer dans un bar à Shinjuku. Virgin droitard, donc le droitard vierge, puceau. Si Paris c'est une poubelle, t'es déconnecté, j'ai peur, je suis trop fragile pour sortir dehors, j'ai même pas mon paye, c'était mieux avant. Et là, il enchaîne, chat Paris, et là, il met une photo de Paris en disant, voilà, génial, super, j'adore Paris. Quoi. Alors, vous avez forcément vu cet échange. C'est un peu difficile à rendre à l'audio, quoi, mais bon, c'est sur Twitter. Donc, en gros, il dit, voilà, les droitards n'aiment pas la France, ils n'aiment pas leur pays. Du coup, ils le dénigrent sans arrêt. Paris, c'est génial. Tous ceux qui disent que c'est une poubelle, ça craint au niveau de la sécurité, sont des faux patriotes, c'est même des antipatriotes. Nous sommes, nous, les vrais patriotes, parce qu'on aime notre extraordinaire ville de Paris. Voilà en substance l'échange. Voilà. Alors, j'aimerais votre réaction, et j'ai envie de commencer tout de suite, sans surprise, par Jean. Ah, oh. Bon, l'aspect du déni du réel, ça me fait penser à une étude que j'avais lue il y a quelque temps sur les réactions des hommes hétérosexuels face à deux hommes qui s'embrassent. Ça leur inspirait immédiatement du dégoût dans les zones du cerveau responsables de déclencher un vomissement ou une sensation de rejet. Et je pense que effectivement, ce qui différencie les gauchistes des droitards sur bien des sujets, c'est que nous sommes capables de faire preuve de dégoût. C'est-à-dire qu'on a des réactions instinctives qui viennent du plus profond de nous, une sorte de rejet d'un miasme. Et donc les gauchistes sont totalement incapables de ça. Donc ils vont être ils vont avoir une capacité de déni du réel parce qu'ils sont même pas dégoûtés. Ça leur inspire plus, plus que ça devrait leur inspirer. Et donc, ça m'étonne pas de voir des gauches nous dire que Paris est une belle ville agréable et qui sent la fleur, vraiment, ils, de toute façon, comme ils passent leur temps à tout nier, à tout refuser, nous dire d'arrêter de voir de nos yeux ce que nous voyons, vraiment rien d'étonnant. Non, ça sert à rien d'étonnant, c'est sûr, mais c'est non, j'aime bien le mais c'est au-delà. Oui, t'as raison, hein, c'est tout ce que t'as dit, c'est très juste. Mais il y a un truc que je trouve fascinant, c'est comment ils inversent la charge d'accusation, c'est-à-dire la révulsion de ce qu'il appelle les droitards. Alors bon, c'est une catégorie avec ces trotskistes et ces gauchistes qui est très très flexible, hein, je veux dire, grosso modo, ça c'est à peu près tout ce qu'ils pensent pas comme eux. C'est élastique, hein. Et ces gars-là qui ont fait du dénigrement de leur pays leur vision du monde, parce que c'est la vision du monde de la gauche depuis, depuis que ça, alors depuis au moins la Troisième République, mais on va dire depuis l'avènement du marxisme comme formule politique avec son internationalisme. Le dénigrement du pays au nom de l'antimilitarisme, de l'abolition des frontières, etc., c'est absolument la norme. C'est-à-dire, le rejet du nationalisme part du principe, c'est ce qu'avait dit Brassens, comment dirais-je, la balade des gens qui sont nés quelque part, où ils raillent les gens qui sont fiers d'être nés quelque part. Ils utilisent le mot quelque part, parce qu'en fait, tu peux naître partout, t'as pas de raison objective d'être fier. D'accord? Et donc ce qu'on appelle le chauvinisme de clocher, etc., qui entraînerait par automaticité la détestation des autres. N'est-ce pas? Ça, c'est l'argument central de la gauche pour abattre le nationalisme et ensuite le patriotisme. Donc c'est très drôle de voir ces gens-là, donc des gauchistes comme ça, qui ont activement mis en place la destruction de ce qui faisait leur pays d'appartenance, je veux dire, hein, au plan culturel, ethnique, et tout ce que vous voulez, dans les arts, etc. Enfin, ils ont tout voulu détruire. Ils ont tout voulu détruire. C'était ça leur, et ça reste leur objectif, hein. Ce qui anime profondément les gens de gauche, c'est la destruction de tout ce qui existe, hein. C'est la table rase. Faut pas le perdre de vue. Et bien de voir ces gens dire, alors en réagissant à un animé qui idéalise la France, ah non, mais vous aimez pas votre pays, etc. C'est-à-dire que le mec reprend à son compte la vision idéalisée de la France qu'ils ont cherché à détruire, pour attaquer des droitards qui sont simplement écœurés de voir ce que leur pays est devenu sous l'effet de la volonté de destruction de la gauche. Enfin, je veux dire, l'audace de ces gens est absolument confondante. Récemment, sur Twitter, je voyais un journaliste de gauche qui disait, en réaction à une... Enfin, c'était une interrogation générale, hein, c'était lié à l'actualité, mais il disait, mais je ne comprends pas ces gens qui prétendent être fiers de leur pays. Comment peut-on être fier d'appartenir à un pays où on s'est simplement donné la peine de naître? Et ça, c'est l'argument des gauchistes, hein. Donc c'est le relativisme intégral. En fait, t'as pas de raison d'être fier de ton pays, ça. C'est très révélateur et je voulais m'y arrêter parce que c'est le cadre psychologique de ces gens. Bah, en tout Y compris de Danny Caligula, hein, qui... Alors, moi je vais m'arrêter là-dessus. Pourquoi être fier de son pays? On est fier de son pays, donc il y a deux choses, il y a l'honneur et la fierté. Quand on n'a rien consenti comme sacrifice personnel pour léguer un pays à ses enfants, je comprends qu'on n'en soit pas fier, puisqu'on n'a rien réalisé. On s'est simplement, effectivement, comme dit ce gauchiste, donné la peine de naître. Donc on n'a rien donné, on n'a rien réalisé, on n'a rien sacrifié, on n'a pas la notion de ce que coûte et de ce qu'a coûté aux générations précédentes en termes de sacrifice pour avoir un tel pays. Donc on n'a pas de notion de la valeur. Alors quand on n'a pas de notion de la valeur, on n'est pas fier de ce qu'on a entre les mains et qu'on est censé transmettre. D'accord ? Ces gens-là sont des consommateurs. Ils arrivent, ils prennent, comme des criquets, comme une nuée de sauterelles, ils ne transmettent rien. Donc ils n'ont rien fourni, ils consomment, ils ne donnent rien. Bien. La mentalité des gens qui sont normalement des nationalistes, c'est exactement l'inverse. Ils ont conscience de la somme de sacrifices qui a été consentie génération après génération, pour qu'ils l'aient entre les mains, mais plus important encore, pour qu'ils le transmettent. Donc ils savent la valeur de ce qu'ils ont entre les mains. Et parce qu'ils savent la valeur de ce qu'ils ont entre les mains, ils sont fiers de l'avoir entre les mains. C'est pour ça qu'ils sont fiers d'être nés là où ils sont nés. C'est pas parce qu'ils sont fiers à titre individuel, c'est pas du narcissisme. C'est parce qu'ils sont fiers des sacrifices qui ont été consentis pour qu'on leur donne, et à charge pour eux de l'en transmettre. Donc c'est un engagement. C'est le sens des responsabilités profondes qui animent le nationalisme, normalement. L'honneur, c'est ce qui fait avoir la conscience de ce qu'on vaut. Si on n'a pas d'honneur, on accepte d'être réduit en esclavage. Si on n'a pas d'honneur, on est prêt à tous les abaissements. Quand on a de l'honneur, on se dit... Je vaux ça, ma dignité se situe là, je ne descendrai pas en dessous de ça. C'est un standard personnel éthique. Quand on n'a pas d'honneur, on est prêt à tous les abandons, à toutes les trahisons, à toutes les lâchetés, à tous les abaissements. C'est comme ça, quand on a des gens sans honneur à la tête d'un pays, qu'un pays court à sa perte. Alors c'est pas surprenant que les gauchistes qui n'ont ni honneur, ni fierté, de ce qu'ils ont entre les mains, soient les premiers saboteurs. Mais de voir ces enculés, parce qu'il faut utiliser les termes quand même, donner des leçons à ceux qui ont le sens de ces choses, ça c'est quand même extraordinaire. Moi, je veux dire, au bout d'un moment, bon, vous savez qu'ici, on aime la non-violence, mais enfin, quand même, quand on a des gens comme ça face à soi, il faut être patient, je veux dire, il faut vraiment être patient. Enfin bon, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc quand vous avez le gauchiste à la con qui vous dit « pourquoi t'es fier ?» Donc le truc de Brassens, hein, c'est ça, hein, c'est « il était né quelque part, t'es fier de quoi ?» Oui, bah... C'est ce que je... La réponse, je l'ai formulée, je ne vais pas la répéter, quoi. Mais on peut répondre face à ça, mais le con qui n'a pas de répondant, il reste confondu, il dit « bah oui, c'est vrai, pourquoi je serais fier d'être un point A plutôt qu'un point B ?» Vous voyez, bah, croyez-moi bien qu'il y a des gens qui savent faire la différence entre les points A et les points B. Parce que sinon, on n'aurait pas tous les crèves-la-faim du monde entier qui se bousculeraient aux frontières de l'Europe, tout spécialement de la France. Hein. Croyez-moi bien qu'ils savent faire la différence entre l'Afghanistan, le Pakistan, la Somalie, la Gambie, l'Algérie et la France. Ils savent très très bien la faire, et pour certaines raisons. Hein. C'est-à-dire pour la somme de travail qui a été consentie par les Blancs pour construire ce pays-là. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils viennent parasiter. N'est-ce pas ? Donc eux, ils savent faire la différence. Hein. Ils savent que leur trou à merde, c'est un trou à merde et qu'il y a beaucoup mieux ailleurs. Vous voyez ? Bon, malheureusement, comme on laisse la vulgate gauchiste s'installer partout, ben, on se laisse attraper par leur sophisme, quoi. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est en lien avec Suzy Caligula. Hein, qui maintenant joue le fier. Alors lui, maintenant, il est fier d'être chez lui, après avoir salopé le pays. Tu sais, ça, c'est peut-être le pire, c'est peut-être la prochaine phase. C'est probablement la prochaine phase du gauchisme. C'est que les mecs vont vous appeler au patriotisme. Vous aurez les pieds dans la merde. Le pays aura complètement été détruit. Repeuplé de nègres. Vous aurez des islamistes à tous les coins de rue. Les filles seront violées pour un oui, pour un nous, n'importe où. Et là, les gauchistes vont se redécouvrir une âme patriotique et ils vont vous dire « Non, mais là, tu vas aimer ce que t'as dans ta gamelle parce que c'est super. Et si tu l'aimes pas, attention, on va te tomber dessus parce que t'es un ennemi de la patrie. » Tu vois, c'est ça qui me fait. Bah oui, c'est l'étape logique puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a des alternatives qui remettent en cause leur modèle. Donc du coup, en réaction, ils sont obligés de développer un patriotisme face aux autres parce que patriotisme très factice et très fragile, mais en attendant, ils sont obligés d'en développer un parce que au final, ils sont rattrapés par le réel, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils combattent leur pire ennemi, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme, mais d'une certaine façon, ils sont obligés d'en créer un nouveau. Ce discours de Caligula, en fait, il nous pointe du doigt un problème essentiel que nous avons. C'est qu'en effet, pourquoi être fier de notre pays? Eh bien, moi, ma vision, elle est celle-ci. Alors, c'est la mienne, hein, mais c'est que tout simplement, quand nous sommes nés dans un pays qui a bâti beaucoup, et que nous avons, comme tu as très bien dit, la charge de le transmettre, c'est que la Providence nous a déclarés dignes de cette mission. Et elle est là, d'ailleurs, même la fierté qui peut avoir une certaine dose personnelle. C'est de dire, j'ai été digne d'effectuer cette mission qui est de transmettre une grande civilisation. C'est un peu comme si, par exemple, à l'armée, pour une mission délicate, vous êtes nommé par votre supérieur qui dit, c'est vous qui allez faire ça, mais attention, de votre mission tient notre avenir à tous. Vous avez un motif de fierté, oui. Mince, il m'a estimé digne, d'assez digne de confiance et d'assez digne d'être suffisamment fort pour la faire. Donc à partir du moment où vous naissez en France, vous n'êtes pas né quelque part. Jamais. C'est au départ, la Providence vous a placé là. Moi, je pense personnellement qu'on a plusieurs existences et que justement, suivant nos existences passées, on va avoir une existence maintenant qui va être ici, enfin, à telle époque et à telle et dans tel point du monde, parce que nous avons justement des aptitudes à la naissance. Donc, nous sommes très fiers de cela. Moi, personnellement, je suis très fier. Quand j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi t'es né 50 ans trop tard? Pourquoi t'es né en 1969 et pas en 1919? T'aurais eu 20 ans en 39. Ah mon Dieu, t'aurais vécu la grande époque, ça aurait été génial. Bon, t'aurais été fusillé en 45, ce serait peut-être mort avant, mais c'est pas grave. Et après, je me suis dit, mais non, je suis né 50 ans plus tard parce que j'avais cette mission de réhabiliter ces gens-là par le révisionnisme. Et donc, ça, j'en ai conçu une certaine fierté, entre guillemets, bien sûr pas Louis XIV, mais je me suis dit, voilà. Et chaque personne qui naît en France sait qu'elle va avoir à transmettre la civilisation qu'ont bâti tous ses ancêtres. Alors, transmettre la civilisation, ça ne veut pas dire faire des grandes choses. L'humble mère de famille qui s'occupe de ses enfants, qui les éduque dans le respect du passé pour le futur, elle a une mission aussi glorieuse que le grand héros qui va donner à son pays une invention géniale, etc. Aux yeux de l'éternité, c'est la même chose. C'est les mêmes missions. Chaque personne, chaque cordonnier qui répare les chaussures de ses concitoyens avec sérieux, etc., participe à la bonne marche du pays, donc à la transmission. Et donc, si on a été jugé digne, c'est un motif qui doit être de fierté, qu'on ne doit pas se cacher, justement. Et tous ces gens-là, justement, ces gauchistes, comme vous le disiez, ce sont des consommateurs, parce qu'eux ne croient en rien. L'homme, pour eux, c'est un paquet de cellules qui s'est organisé comme ça, qui a fait ce corps. La pensée, ce ne sont que des signaux électriques dans le cerveau. Vous n'étiez rien avant votre naissance. Vous êtes né totalement vierge. Vous ne serez rien à votre mort. Vous allez disparaître et vous resterez poussière, etc. Donc, ce sont des gens qui en viennent à croire en rien, ni avant ni après, à croire que la vie n'est que hasard, qu'elle n'a pas de finalité, que la civilisation, ça peut s'échanger, ça peut disparaître, etc. Et donc, ce sont des gens, voilà, et ils détruisent tout ce qui est notion de beau, tout ce qui est notion de hiérarchie, et naturellement, tout ce qui est notion d'ordre naturel. Et on en revient toujours à la base, c'est que la gauche réfute l'existence d'un ordre naturel, reflet d'un ordre divin. La droite pose l'existence d'un ordre naturel, reflet de l'ordre divin. Et à partir de là, une fois que cette opposition est marquée, tout se déroule et on en arrive dernier à comment il s'appelle, David Caligula ou des choses comme ça. Rien que déjà, et les pseudos qu'ils prennent, ça dit déjà tout, je veux dire. C'est jamais des hauts personnages, c'est toujours ce genre de choses atroces, qui ne signifient rien. Voilà où on en est avec des gens comme ça. Et j'en terminais en disant que justement, c'est pour ça qu'il faut impérativement développer une vision spirituelle de la vie. Attention, je fais une différence entre spirituel et religieux. Hein. Je ne suis pas en train de me faire le prosélyte d'une religion quelconque. Mais il faut développer une vision spirituelle de la vie. Parce que si vous n'avez pas cette vision spirituelle, eh bien vous êtes complètement impuissant face aux sophistes de ces gauchistes. Parce qu'ils vont vous dire, ouais, mais quoi? T'es rien, toi, t'es pas plus que nous. T'es né de rien, c'est au hasard que t'es là. Qu'est-ce que t'as à répondre? Ah oui, mais moi j'aime bien la France d'Amélie Poulain. Ah bon, et pourquoi t'aimes ça? Moi j'aime pas ça. Je préfère la France métissée. Pourquoi pas? Et on n'a rien à répondre à ces gens-là. Alors que si on dit non, non, non, il y a un ordre naturel, reflet d'un ordre supérieur, et votre France métissée, c'est le non-ordre, c'est le désordre, c'est le chaos, là vous êtes beaucoup plus puissant pour leur répondre. Eh bien, merci, messieurs. Je vous propose de nous séparer pour cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine.